Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Cindy Gilbert sera avec nous pour nous dire comment vous aussi pouvez activer votre santé. Stéphanie Paradis parcourra avec nous le dernier numéro de l'année du journal Zone Campus et on achètera des choses dans Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 23 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Steph. Salut, Matt. Est-ce que tu remarques les dans ma voix? Non? Ben non, c'est pas si pire. Pas si pire? Non, c'est juste l'air bête qui vient avec. Ah, ben c'est normal. Mais on est là pour visiter votre matin à 7h30 tous les jours. Donc vraiment, à 7h30, paf, on repart à zéro. Ça ne peut pas mal aller pour le reste de la journée. Fait que toi aussi, tu te resets. Oui. Hey, tu parlais de 23 avril 2014, là. Ouais. Moi, 2014, là, j'haïs ça, écrire ça. Je vais être bien honnête, ça finit tout le temps en 2104 ou 2114, parce que je m'en fâche tout le temps, les pitons sont comme trop comme... Dans le même coin, non. Et en plus, c'était la semaine passée, je crois, la semaine des palindromes où toutes les dates de la semaine pouvaient s'écrire à l'endroit comme à l'envers. C'est la semaine passée, il me semble. Ah, ça arrive comme trop souvent, on dirait que ça... Il y a comme moins de magie à chaque fois. C'est vrai, on perd quelque chose. C'est comme Alain Choquette. On a fini par le perdre à un moment donné, je pense. Il me semble que je l'ai pas revu. Alain Choquette? Moi? Hey, je suis déjà allé le voir en spectacle avec Choquette. Oui? Je te le jure. Mm-hmm. Ouais. C'était impressionnant. Ouais. Est-ce que c'est sûr qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui? Non, moi, Alain, je continuerai là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres magiciens qu'on connaît au Québec? Qui s'appellent Alain? Ah ouais? Oui, c'est ça, c'est un critère vraiment important. Je viens de réduire un peu trop, je pense. Ben, c'est que je te trosse pas si t'appelles pas Alain. Ben oui, Vincent C. Hein? Oui. Il est tellement hot, trash, magicien sanglant. Ouais, oui. Sanguinaire. Donc, plan de l'émission d'aujourd'hui. Cindy Gilbert va être avec nous à 8h pour la chronique Activer votre santé. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de la saison et c'est quand les calories sont mêlées. Oh! On parle de ça avec elle à 8h. Vous avez remarqué qu'on n'a pas Alexandrine Pichessier cette semaine. Elle va être là la semaine prochaine à la place. Ah! À 7h30. D'accord. Mm-hmm. En fin d'émission, Zone Campus, c'est toi ça? C'est moi. On t'appelle aussi presque. Stéphanie Paradis, ouais. Ça arrive. Des fois, je me trompe quand je signe mes chèques. Ben, mais... c'est que tu réponds au téléphone. Bonjour, Zone Campus. Non, pas bonjour. Non? Juste Zone Campus. Ah! Ouais. Tu m'appelleras, tu vas voir. OK. Non, je te parle assez de même, à côté de toi. Ça se peut que je le sache, tu sais, je te vois composer. Ça se voit dans ma face aussi, je suis pas très subtil. Sinon, on va aussi faire... Non, tu vois, c'est là que ça sort. Là. Ouais, okay. La mort? Non. Ah! C'est explicite de devenir un pot de nappe. Tu as ta propre mousse de micro. Merci. C'est l'indice qu'il faut aller en musique. C'est pour ça qu'elle est rendue verte? Ouais. Donc, c'est explicite de devenir un pot de nappe. À 8h30. Hein. Excuse-moi, je voulais pas m'acharner. Non. Sur ce qui te coule. C'est moi qui l'ai un petit peu comme introduit le sujet. Donc, on va faire ça à 8h30, mais pour l'instant, Mordicus, voici ma grande gueule. Ouais, ma grande gueule. Et mes grandes narines. C'est ça. Bonne émission. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai de la place en masse. Dans ma grande gueule, toute la place. Ça va découvrir un autre univers. Dans ma grande gueule, on fait un voyage interplanétaire. C'est là où l'irréel devient réel. Autour des temps, kaléidoscope, où mon esprit ouvre ses portes. C'est qu'océan, les six continents. Dans ma grande gueule, tout est en 3D, tu peux participer. C'est là où Mordicus et ma grande gueule à Sondage Ricky. Je crois que le mucus est parti, donc on va pouvoir faire une chronique. On commence l'émission avec une édition spéciale de C'est un fait Language Edition. Est-ce que tu connais la chanson? De toi, c'est le lundi. Moi, ta chanson. C'est un fait Language Edition. C'est un fait Language Edition. Non? C'est pas bonne la chanson. Pourquoi tu lèves tes mains? Ça fait plus cute. On dirait que tu te défends contre un mur. Donc, c'est un fait Language Edition parce que t'es là, Steph. Donc, j'ai choisi un bloc thématique pour toi. J'ai tout des blocs thématiques de prévu pour des raisons quelconques et là, ça fit avec toi. Ah, cool. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est sur les langues. Language Edition sur les langues. C'est le fun, hein? Alors, on va commencer avec le mot Lego. Savais-tu qu'il y a une définition derrière le mot Lego? Moi, Lego? Lego. Lego, ah, les blocs, Lego. Pas les gaufres. Et ça va être long, ce chronique-là. Les gaufres molles. Lego. En 1932, Ole Kirk Christensen était un maître charpentier au Danemark. Il établit son entreprise dans le village de Billund. Il fabriquait des échelles, des planches à repasser, des bancs, des objets, des jouets en bois. Son fils Gottfried, hein, a commencé à travailler pour la compagnie à l'âge de 12 ans. Et en 1934, la compagnie a adapté le nom Lego, qui a été formé à partir des mots leg et gut, qui veut dire bien jouer, play well. Je pensais que c'était jambe puis chèvre, leg puis goat. Goat, oui, exactement. Après ça, on a appris plusieurs années plus tard que ça voulait aussi dire to put together en latin, donc assembler. La firme avait seulement 6 ou 7 employés à ce moment-là. Gottfried choisit la phrase clé, si on veut, la phrase préférée de Old Kirk Christensen, qui était only the best is good enough, donc seulement le meilleur est assez pour nous, dans le fond. Il faut absolument tout être les meilleurs. Donc, il a craché ça dans la boutique en 1936. Et en 1937, Gottfried avait 17 ans. Il a commencé à fabriquer ses propres modèles de Lego et son entreprise a continué de grandir avec le temps. Félicitations à Lego. Mais c'est à grandir. Oui. Tout en Lego aujourd'hui. Tellement. C'est le fun. Je suis sûr que je pourrais trouver ta face en Lego à quelque part dans un magasin. Oui. Est-ce que tu es en train de dire que j'ai une face vraiment commune? Probablement. Non. Juste de toutes sortes de couleurs puis carré. OK. Avec des grosses lunettes, non. Bon. Jusqu'au 16e siècle, le mot en anglais pour « girl », donc « girl », était utilisé pour faire référence à des enfants qui soient garçons ou filles. Ah? Ça veut dire ça. Pour essayer de, dans le fond, un petit peu. Je m'excuse. Donc, c'est difficile à l'époque médiévale c'est difficile aujourd'hui de raconter les histoires de l'époque médiévale parce que c'est tout le temps écrit « girl », que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Mm-hmm. Il fallait ajouter un qualificatif pour démarquer le garçon de la fille. Donc, pour les garçons, c'était Nav, K-N-A-V-E. Un auteur à l'époque pourrait écrire « The Nav girl stepped out of the barn », donc la fille Nav, qui était ce mot-là féminine, mm-hmm. Donc est sortie de la grange. Donc ça, c'était un gars pour Nav, pardon. Les filles, c'était « gay », G-A-Y. Donc, on aurait pu écrire « The gay girl fixed her hair in the morning », donc la fille « gay ». Arranger ses cheveux le matin. C'est donc bien bizarre. Vraiment. Man et men, donc le singulier pluriel comme on le connaît aujourd'hui, étaient aussi neutres à l'origine de leur formation. Man faisait référence à n'importe quel penseur ou à un membre de la race humaine et le mot men, M-E-N, voulait dire penser ou avoir un esprit cognitif. Donc homme, ça voulait dire un penseur. Ah! Eh ben! Je me demande qu'est-ce qui a fait que ça s'est séparé? C'était peut-être un peu confus. C'est sûr, là, mais ça peut pas juste être ça. Non. Parce qu'il aurait pu juste trouver un autre mot, en tout cas. C'est ça. C'est l'évolution de la langue. Ensuite, le langage des signes a des équivalents au Virlang. Déjà, frôlé le sujet à un moment donné, mais donc Virlang, à la place, on appelle ça un finger fumblers. Oh, c'est le fun! Oui. Donc, l'anglais et le français, évidemment, ne sont pas les seules langues créées, qui ont été créées et qui ont aussi des Virlangs, des tournes. Virlang, pas tourne-langue, hein? Virlang? Virlang. Okay. Donc, il y a des tongue twisters en chinois, en arabe, en swahili, etc. Même le langage des signes, comme on disait, a sa propre version, finger fumbler. Good blood, bad blood est un exemple de truc difficile à dire avec le langage des signes américain. Et on peut le dire parfaitement bien avec la bouche, mais pas moi, là. Mais en général, on est supposé pouvoir bien le dire. C'est quand même difficile à dire. Good blood, bad blood, what you gonna do? Ouais. Donc, en fait, les parents et la famille d'enfants sourds utilisent souvent des finger fumblers pour les aider à pratiquer la langue. Et en fait, pratiquer des tongue twisters aussi dans les pour la langue parlée augmente aussi votre efficacité dans les langues. C'est bien, c'est pour ça qu'on monte ça en radio aussi. En théâtre. Je fais ça en théâtre beaucoup. Cool. Dans ton préféré, mettons? Mon préféré. Les plus cool, vraiment, sont assez difficiles à retenir parce qu'ils sont quand même longs, là. Fait que je pourrais pas vraiment... Vraiment t'en dire. De toute façon, si je l'ai pas décrit devant moi, je sais que je vais me planter. panier piano. Il y a beaucoup... Il te manque un mot là-dedans, là. C'est quoi? C'est... voyons. Papier, panier, piano. Papier, panier, tu vois, dès le premier. Ben, c'est ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de mots qu'on s'attendrait pas qu'il y ait un contraire. Hein. Par exemple, le mot sparkle, brillant. Sparkle. Ouais. Unsparkle. Unsparkle, non, c'est darkle. Darkle? Oui, un terme absolument pas nécessaire pour le contraire de sparkle. C'est défini comme devenir sombre ou lugubre ou glauque ou avoir l'air sombre. Ça a réussi à se rendre au mot du jour de Dictionary.com le 2 septembre 2011, prouvant donc que c'est un mot qu'on utilise quand même un petit peu. L'origine est une back formation qu'on appelle en français, c'est quoi? C'est une formation inversée, j'imagine, ou quelque chose comme ouais, ça. Ou un rétroformation. Rétroformation, ouais. Ben oui, c'est pas mal mieux dit. D'un mot qui est maintenant obsolète, qui était darkling, qui voulait dire être dans le noir. Ah. Donc on a formé sparkle, darkle à partir de darkling et de sparkle. Ouais. Mais je trouve ça étrange qu'on dirait que darkle, je le vois comme scintillé mais foncé. Oui, exactement. C'est un peu perturbant. Ouais. Un cynique, à l'époque, c'était quelque chose de positif et de noble. Ah? Ouais. Donc la... Pardon. La définition du mot. D'un mot peut changer à travers le temps. Des mots comme awful, donc affreux ou dégoûtant, étaient décrits avant pour étaient utilisés avant pour décrire quelque chose qui... te laissait bouche bée. Tu sais, A, quand A-W-E, ça te laisse bouche bée. Donc, awful, rempli de ça, ben, c'est devenu quelque chose de mauvais. Awful, c'est dégueulasse. Ah! C'est un peu le même principe, mais un peu l'inverse, de ah, c'est vraiment, c'était écœurant. Ouais. En théorie, c'est supposé être nauséeux, tu sais, de faire des hauts le cœur, mais écœurant, là, c'est rendu positif dans certains contextes. C'est écœurant. Carrément buzzant. Qu'est-ce que c'est ça. Donc, même chose pour le mot cynique. Le mot vient de d'une école de philosophie grecque qui s'appelle le cynicisme. Les cyniques, à cette époque-là, avaient une vue différente de la vie comparée à la façon moderne. Les cyniques, à l'époque, vivaient leur vie selon les principes de l'accord avec la nature, des trucs comme ça. C'était super, super noble. Ils oubliaient tout ce qui était contemporain, la richesse, la puissance, le pouvoir et le sexe. À la place, ils vivaient pauvres. Ça donne bien l'air plate. Ouais. maintenant, la version moderne d'un cynique, ben, c'est ça, on a surtout pris les aspects négatifs de cette philosophie-là originale, donc d'origine. Les cyniques, à l'époque, critiquaient la société, particulièrement pour l'avarice et le... selfish, voyons. L'égoïsme. L'égoïsme, exactement. Donc, c'est deux parties de cette philosophie-là qu'on a pris et qu'on a mis au mot cynique. J'hésitais entre égoïste puis auto-poisson. Ouais. Selfish. Ça, c'est un selfie de poisson. Un bloup, bloup, bloup. Donc, bref, c'est ça. C'était un groupe. Il était vu ou regardé comme étant un groupe qui n'avait pas confiance à la société, l'intégrité, les motifs des gens. Donc, on a pris ces qualités-là, ces négativités-là, et on a mis ça dans le mot. Voilà. Intéressant. Ouais. Ensuite, rire en ligne, c'est pas pareil dans toutes les langues. Hein. Comment? Rire en ligne. OK, sur Internet. OK, ouais. Ouais. C'est pas la même chose dans toutes les langues. Par exemple, évidemment, on sait en français, on va dire MDR pour mort de rire. On dit jamais, non, mais on non, pourrait. Non. Je déteste le MDR. Moi aussi. Mais à cause de la culture d'Internet, ben, c'est ça, on a vu se propager différentes façons de rire. Bon, mettons un hé-hé, H-E-H-E, ça pourrait être un petit rire bien faible, ou hi-hi, c'est H-I-H-I. Mais un H-E-H-E, c'est ha-ha-ha! C'est drôle. Tu mets en majuscule en plus. Ben oui. Puis après ça, tu passes à LOL, tu passes à Raffle, il y a un paquet d'autres acronymes comme ça. Mais si ton langage, c'est pas l'anglais ni le français, en Thaïlande, le chiffre 5 est prononcé ha. Donc à la place de dire ha ha ha, tu vas dire 5-5-5-5-5-5. Hein? Le chiffre. Ouais, tu l'écris sur Internet, oui, pas, pas vocalement, là. Bien sûr. En mandarin, le chiffre 5 lui est prononcé wu, W-U. Donc ce serait un petit peu l'équivalent de bouhou ou c'est chou. Donc quand tu tapes 5-5-5-5, c'est quelque chose de triste. Bon. Le caractère kanji pour rire est prononcé warai en japonais. Donc, ça a été raccourci à W, warai, OK? Donc, ça devient W. Donc, le rire japonais, c'est W, W, W, W. Ne pas confondre avec les 3 W du 3W.quelquechose.com. Bon, bien sûr. C'est quand même intéressant. Moi, je me souviens, tu parlais de MDR et j'étais quand même assez jeune, des secondaires, tu sais, les premiers temps où on a un ordinateur à la maison. Hmm. Et je me souviens sur les chats, il y en a qui avaient essayé de partir et disaient « Ah, les Américains ont LOL, les Français ont MDR pour mort de rire. Pourquoi au Québec, on n'aurait pas CBR pour cramper bien raide? » C'est bon. Donc, il y a des gens qui vont essayer de partir la mode du CBR. Comme tu vois, ça a pogné. Moi, j'irais REC. Ça rit en crime, mine. Ouais, puis là, tu penses que la personne en avant de toi est en train de t'enregistrer pour avoir des trucs compromettants contre toi. Et ça, on sait qu'il y en a pas mal. Sur Internet? Hein? Ben oui. OK, oui. Certains langages, certaines langues n'ont pas de mots pour devant, derrière, à l'avant, à l'arrière, de, etc. Ils n'ont pas ça. Ben là, comment ils font pour vivre? Eh ben t'as le dire, moi t'as le dire! Donc, généralement, les langues sont similaires en structure et en forme. Par contre, il y a des différences, comme la conception du genre pour les objets inanimés. Par exemple, en français ou en espagnol, on va avoir des genres pour les objets inanimés, mais en anglais, il n'y en a pas. C'est complètement étranger pour les anglophones. Il y a une langue australienne. Aborigène, ça, je voulais dire. Ouais. Qui s'appelle le gougou yimitir. Le gougou. Ça a l'air sympathique. On se donne le gougou, comme ils disent. Donc, ils n'ont pas de concept pour gauche-droite, devant, derrière. À la place, le langage utilise les points, les points cardinaux. Pour dénoter les endroits. Oh boy, je serais tout le temps perdu. Moi aussi, tellement un grand talent de géographie. J'ai de la misère avec gauche-droite. Ah, wow. Donc, la plupart des langues, comme on disait tantôt, utilisent des coordonnées égocentriques pour décrire les choses. Donc, on va vraiment aller sur, mettons, l'objet, mettons, mon soulier. Mm-hmm. On va être égocentrique et dire c'est à gauche de mon soulier. C'est très, très centré sur sa personne ou vers un objet. Alors que ceux qui parlent le gougou, imitir, utilisent des coordonnées géographiques. Donc, on pourrait dire, attention, il y a une grosse araignée au nord de ton pied. Et là, c'est le nord cardinal selon le vrai nord dans la vraie vie. Donc, ils ont comme à l'intérieur de leur tête, ils sont tellement habitués qu'ils ont comme une boussole dans la tête. Ils savent tout le temps où est le nord par rapport à eux. C'est beaucoup moins égocentrique, c'est beaucoup plus centré vers l'environnement et la terre autour de toi que vers ta propre personne. Mais c'est quand même complexe. C'est fascinant à quel point ces gens-là vont mieux s'orienter que nous. Oui. Juste par conditionnement. C'est ça. C'est fascinant. Vraiment fun. Je pourrais arrêter de me perdre au centre d'achat si je parlais de gougou. Donc, c'est ça. C'est pas isolé. Il y a plusieurs langues qui ont ça. C'est pas des langues mainstream, donc vraiment répandues, mais ça existe encore. Il y a aussi... c'est à peu près ça pour celui-là. Ensuite, dans plusieurs langues, il n'y a pas de différence entre le bleu et le vert. Bon, en fait, il y a une différence, mais il n'y a pas de couleur bleue et de couleur verte. C'est une seule couleur et plusieurs teintes ou nuances de ces couleurs, de cette couleur-là, mm-hmm. qui est la couleur qu'on appellerait en anglais. L'équivalent serait comme « grew », si on veut, du « green blue ». Genre. Le grew. Donc, selon Brent Berlin et Paul Kay, qu'ils ont fait, ont fait une étude en 1969, Basic Color Terms and Their Universality and Evolution, et les termes distincts pour brun, mauve, rose, orange et gris ne sortiront pas dans une langue tant que le langage n'aura pas fait une distinction entre le vert et le bleu. Donc, pour pouvoir avoir ces teintes-là, ces nuances-là, brun, rose, mauve, orange et gris, il faut avoir un bleu et un vert indépendants dans sa langue. Sinon, t'as pas ça parce que c'est juste tout pareil, tu sais. Mm-hmm. Donc, plusieurs langues, si je comprends bien. Plusieurs langues, par contre, comme je disais, on n'a pas de différenciation sur ces deux couleurs-là. Par exemple, en vietnamien, le mot pour décrire la couleur des feuilles d'arbres et le ciel, c'est zan, X-A-N-H. Pour distinguer les deux, parce que là, bon, tu dis les feuilles d'un arbre et le ciel, c'est pas la même chose, mm-hmm. ils vont dire... Par exemple, leaf grew, donc grew qu'on a admis tantôt que c'était un petit peu genre l'équivalent en anglais de vert et bleu. Donc, ils disent vert bleu, version feuille d'arbre. Ils vont dire leaf grew. Okay? Et pour le ciel, ils vont dire ocean grew, donc grue, version océan. Mais je peux très bien comprendre parce que dans le fond, chaque langue a juste un peu délimité différemment les teintes de couleurs. Parce que si on regarde, par exemple, en français... on peut avoir, par exemple, un bleu poudre et un bleu royal qui sont des couleurs totalement différentes, mais que les deux, on considère comme étant des bleus. Mais on a des qualificatifs pour les différencier, pour mieux les imaginer dans notre tête. Mais si tu regardes bleu royal et bleu poudre, il n'y a absolument rien en commun. Ben oui, il y a le... Ben nous, on le sait. Qu'on comprend comme le bleu c'est qu'on a en commun, mais pour quelqu'un... qui n'a pas appris à distinguer ces deux couleurs-là, pour lui, ça peut être exactement la même ou deux totalement différentes qui auraient vraiment un nom distinct comme on a pour le vert et le bleu. La ligne est mince entre les deux. T'sais, on me montre des fois, j'ai souvent fait rire de moi parce que je trouvais qu'il y a une certaine nuance de genre de vert bleu. Moi, je disais c'est clairement un bleu. Ou pour un rouge qui tire entre le rouge et le rose, des fois, je vais dire ça, c'est clairement rose pour moi. Alors que quelqu'un d'autre va dire ben non, t'es cave, c'est clairement rouge. Mais ça, avec des. Ça, c'est toi, genre. Des fois. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Comment? C'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai. Mais non, les distinctions entre tes couleurs, je veux dire, c'est une palette en continu. Ben oui. C'est... Donc, on a seulement mis les limites à des endroits différents que les autres langues. C'est totalement fascinant parce que ça change vraiment beaucoup la perception des gens. Exact. En Thaïlande, d'ailleurs, le mot Kia, K-H-I-A-W, veut dire vert, mais peut faire référence au ciel ou à l'océan. Et dans ce cas-là, ça veut dire bleu. En chinois, on a King qui fait référence au vert, au bleu et même des fois au noir. Et en Corée, on a Puruda qui veut dire soit vert ou soit bleu. Et dans plusieurs langues africaines, on utilise aussi le même mot pour les deux couleurs. Donc, vraiment très cool. Comme indigo et noir, c'est tellement proche. Je me souviens, à maternelle, on cherchait tout le temps le crayon noir, puis on avait tout le temps le indigo. C'est ce genre de mot foncé, ça, je pense. Indigo, c'est le bleu très, très foncé. Okay. Ensuite, le mot d'Inde est traduit différemment dans différentes langues. Tu vois, des fois, quand je fais l'erreur de traduire, des fois, je dis... Qu'est-ce que j'ai dit l'autre fois avec dinde? Ah non, je m'en rappelle. Ben, je sais pas, tu parles souvent de dinde, toi? Ça m'arrive fréquemment. Mais bref, le mot dinde est quand même drôle. Hein, tu sais, le mot dinde, dinde. Mais bon, c'est aussi un pays en anglais, Turkey. Turkey veut dire l'animal, la dinde, et Turkey, la Turquie. Bon, en Inde, le mot pour Turkey, c'est Pérou. Ah ouais? OK, ouais. En Turquie... La dinde, bref, comme j'ai déjà appelé, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, que j'avais appelé la Turquie la dinde. Bref, le mot, c'est hindi, donc hindou, ou Inde. C'est très drôle. Ouais. Le mot dinde est aussi Pérou en portugais. Hein? Et tout ça, ça vient de la confusion par rapport à l'origine de l'oiseau. La plupart des pays croyaient que la dinde venait d'Inde, mais c'est complètement faux. Le mot pour dinde en chinois est le même que poulet de feu, fire chicken. Et en japonais, en japonais, ça veut dire seven-faced bird, donc un oiseau à sept visages, sept figures. C'est vrai que les dindes, c'est double face. Mais ça, gang de traîtres. En Macédoine, qu'on dit Macédoine, je crois, la Turquie est nommée du même nom que le mot turc pour Égypte. OK? Et dans les trois langues qu'on dit romantiques, donc l'espagnol, l'italien et le français, on a des mots complètement différents. On sait en français c'est dinde, mais en espagnol c'est tavo, et en italien c'est tacchino, tacchino. Oh, on va aller taquiner la dinde. Ah oui! Et finalement, parlant de taquiner, on va plus Quentin Tarantino, Terrence Quentin, c'est un drôle de lien. Oui. Le film Reservoir Dogs est un film très important dans le domaine des films indépendants. Et bien, Quentin Tarantino avait prévu à l'origine filmer ce film-là avec un tout petit budget de $30,000 en format 16 mm. Il travaillait dans un club vidéo de Manhattan Beach en Californie alors qu'il planifiait de filmer Reservoir Dogs. Mais le titre du film, là, il faut qu'on parle de langue, là, c'est le bloc thématique d'aujourd'hui. Le titre du film... vient d'un client de son club vidéo. Tarantino lui recommandait souvent des titres très peu connus, donc des films indépendants. Et quand il a suggéré le film Au revoir les enfants, mais il l'a dit en anglais, Au revoir les enfants, le gars a répondu: je veux pas voir Reservoir Dogs! Ah, c'est quoi ça, Reservoir Dogs? Ça n'a rien à voir. Tu sais, Reservoir Dogs, Au revoir les enfants. Ah, OK. Pas pire, hein? Reservoir Dogs, donc, qui a débuté au cinéma dans 19 cinémas, a ramené $147,839 par la première semaine aux États-Unis. Ça a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne. Ensuite, le film a été montré au Sundance Film Festival et c'est devenu un film culte pour les amateurs de films indépendants. Voilà. Intéressant. C'est tout. Hey. Voilà pour cette fait Language Edition. Au retour, Cindy Gilbert et la chronique Activez votre santé. J'aime ça quand on parle de langue. Moi aussi. Vous êtes dans la zone 89.1. Des poux dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce mercredi 23 avril 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plant. Oh oui, la forme règne ce matin. Je vais y t'appeler Mucus Plant. Mucus Plant, c'est mon nom, merci. Encore une demi-heure avant la prochaine chronique, vous allez devoir m'entendre rentrer dans le micro. Pour l'instant, on a une chroniqueuse qui va pouvoir parler à notre place. C'est Cindy Gilbert. Elle est là toutes les deux semaines à 8h le mercredi. C'est le moment où on s'entraîne le cerveau en l'écoutant. Voici Activez votre santé. Déjà épuisé. Cindy Gilbert, bonjour. Salut. Ça va? Bon, moi, ça va super bien. Oui. Puis toi, je te retourne la question. Ah, merveille. C'est ta dernière chronique déjà de la session. Ben oui. Oh, ouais. Moment de nostalgie. C'est plat. Et, on prend-tu une minute de silence? OK. Je peux pas faire ces bruits, ça va s'arrêter dans le visage. J'ai presque réussi 10 secondes. Wow. Donc, aujourd'hui, on parle de calories. Hein? Yes! C'est bien ça. Gros sujet, les calories. Oui, parce que tous les gens qui désirent perdre du poids savent la première chose à faire quand tu vas à l'épicerie. Tu reviens ta boîte de bord. La première chose que tu regardes, c'est les calories. Tout le monde le sait. Bon, les calories, il faut calculer ça. Mais qu'est-ce qu'une calorie? C'est intéressant de savoir c'est quoi une calorie. C'est un nouveau prénom pour enfants, je pense. On a des meilleurs prénoms de 2014. Calorie, mais tu sais, Laurie. Oui. Ah, ben, yes, c'est pas fou. La lettre K. C'est sûr que tu m'étonnerais pas tant que ça que ça devienne un prénom. Non, moi, ce serait pas calorie, ce serait genre une barre gratuite de plus. Tu sais, comme c'est boire de barre temps quand il y en a 6 ou 5. Je l'appellerais une barre de plus. Au lieu d'être Caroline, ça pourrait être Calorine. Calorine. Pas pire, hein? Bon, oui. Fait que mon prochain chat, je veux dire. Un prochain chat! Mon chien s'appelle Whisky, mon chat s'appelle Sushi. Un nom de poisson cru, j'aime ça comme concept. Puis bon, ben là, mettons qu'on parle des calories, là, mais des vraies, là, pas le chat. Là. Qu'est-ce qu'une calorie? Une calorie, dans le fond, là, c'est une unité de mesure qu'on utilise pour... dans le fond, ce que ça va mesurer, c'est l'énergie nécessaire qu'on va avoir pour faire augmenter la température de 1 gramme d'eau. Fait qu'il y a un lien avec les calorifères. Oui, ben, d'un certain sens, oui. Oui, parce que c'est une augmentation d'énergie par rapport à la chaleur. Ah! Dans le fond, c'est ce que ça nous prend pour pouvoir augmenter 1 gramme d'eau de 1 degré Celsius. Ça, ça va être une calorie. Fait que tu fais « Ah bon, ben écoute, fait que tu sais, toute cette histoire-là, c'est tout relié, là. Une calorie, c'est de l'énergie, puis de l'énergie, c'est de la chaleur dépensée. Fait que finalement, oui, quand on dit « Ah, ben ça, ça demande de l'énergie dans une journée, mais quand ça demande de l'énergie, mais ça augmente une plus grande dépense de calories aussi. Mm-hmm. » Fait que tout ce qui prend de l'énergie dans une journée, ça vous fait dépenser des calories. Comme si on monte trop le calorifère, ça augmente la facture d'électricité. Oui, puis ça augmente la température de votre corps, puis ça vous fait dépenser encore plus de calories. D'où le pourquoi que, là, je fais une parenthèse, il y en a qui vont se dire « Bon, ben moi, je vais m'entraîner avec un sac à vidange sur le corps. Ça va faire augmenter ma température corporelle puis je vais brûler plus de calories. » Est-ce vrai? C'est vrai. Mais est-ce dangereux? C'est dangereux en tabarnouche parce que là, tu peux tomber déshydraté, rien d'une shot. Puis en plus, à ne pas faire. En plus, on a l'air vraiment fou. Ben oui, en plus, c'est de toute beauté. Mais t'as de l'air encore plus fou quand ça fait 10 minutes que tu cours puis que là, t'es toute seule dans le bois puis tu tombes sans connaissance par déshydratation totale. Là. Fait que là, t'as de l'air vraiment fou. Fait que finalement, c'est une parenthèse. À ne pas faire, mais est-ce que oui, ça fait augmenter le nombre de dépenses de calories? Ben oui, parce que ça fait augmenter notre chaleur automatiquement. Fait que les calories, c'est ça, des calories dans la vie. Ça m'amène à parler, j'avais déjà parlé dans un autre chronique un peu du métabolisme de repos, mais là, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur parce que, tu sais, on entend souvent, moi, mon métabolisme de repos, il doit être déréglé, je dois pas brûler assez de calories au repos. Et, tu sais, on entend plein d'écoles de pensée différentes là-dessus, mais qu'est-ce que le métabolisme de repos? Pour pouvoir mesurer ça, déjà, un vrai, vrai métabolisme de repos, là, pour pouvoir le mesurer, il faudrait, par exemple, là, Stéphanie, si je voudrais connaître le tien, faudrait aller dans une salle spéciale qui serait mesurée vraiment juste pour ça, que ça serait complètement fermé, qu'on calculerait la quantité d'oxygène qui rentre et qui sort de ta bouche dans cette pièce-là fermée, et tu serais alité pendant 24 heures de temps. Puis là, quand on dit alité, c'est alité totale. Tu aurais même une sonde urinaire pour que tu n'aies pas à te lever pour aller aux toilettes. Ah, j'ai pas le goût de calculer. That's the dream! Non, t'as pas le droit de jouer au Nintendo, là. T'as pas le droit. T'as pas le droit de faire une activité intellectuelle comme lire, comme t'as pas le droit. T'aurais pas le droit de manger non plus. Donc, je peux animer à la radio quand même parce que ça n'a pas besoin d'être une chance. Non, faut que tu fasses besoin de parler, ça te fait encore dépenser des calories. Oui. Alors, le métabolisme de repos, c'est vraiment pour voir au repos total combien de calories que vous dépensez pour respirer. C'est une fonction vitale. Survivre. Respirer, faire battre votre cœur. Finalement aussi, ça demande de l'énergie. Renouveler vos cellules aussi. T'sais, on dort, on renouvelle nos cellules, ça demande de l'énergie. On perd des calories en dormant. On perd des calories en étant sur place, en regardant le mur. C'est les seules fois où je perds des calories. En dormant, en regardant le mur. T'en perds plus que ça, des calories. Ça, c'est le métabolisme de repos. Fait que finalement, on a tout un pour dire, bon, ben là, je brûle tant de calories par jour en ne faisant absolument rien. Ça, c'est une des premières données qui va nous donner le nombre de calories totales qu'on peut perdre dans une journée. Le deuxième truc qui rentre dans le calcul aussi, c'est la dépense énergétique quotidienne estimée. Là, c'est là qu'on rentre tout ce que vous allez faire dans une journée. Fait que là, en plus d'exister, là, respirer, le cœur qui bat et tout ça, vous vous levez le matin, vous allez brosser vos dents, vous allez déjeuner, vous allez lire le journal. Toutes ces activités-là vous font dépenser des calories parce que ça vous demande de l'énergie quand même de lire, de vous concentrer, de mastiquer votre nourriture, de vous lever pour aller aux toilettes. Tous ces exemples-là, c'est toutes des calories qui vont s'accumuler dans la journée aussi. Fait que ça fait partie de la dépense énergétique estimé. Fait que ça s'additionne au métabolisme de repos, mais ça vous fait un petit plus aussi. Donc, tout ce que vous allez faire dans une journée, ça va s'additionner. Si vous décidez, par exemple, de vous rendre au travail et au lieu de prendre l'ascenseur, de prendre les escaliers, bien ça, ça s'ajoute. Ça fait partie là, de votre dépense journalière. Si jamais vous dites, moi, je m'en vais faire mon épicerie, puis au lieu d'essayer de me stationner le plus proche possible de la porte, je me stationne le plus loin possible et je marche. C'est toutes des plus. Ça, c'est drôle de faire ça au gym. D'essayer de se stationner le plus proche de la porte possible. Ça, c'est tellement drôle. Hein? Puis là, il y a des gens, tu sais, ben, on sait, dans un gym, le mois de janvier puis le mois de septembre, c'est les deux plus gros mois. Là, on dirait que tout le monde prend les résolutions puis se garoche ben oui. dans le gym en même temps. Fait que c'est sûr que dans les stationnements, c'est un petit peu plus contingenté, qu'on pourrait dire. Puis là, le monde arrive en chiolant. Puis il a fallu que je me stationne à l'autre bout puis que je débarque à pied. Ah, ben là, ton échauffement est fait. Surtout qu'ici à Trois-Rivières, tu sais, quand tu as stationné, c'est dans une petite rue en arrière c'est du gym. C'est pas super loin. C'est pas si pire que ça. Mettons qu'à Montréal, ils doivent. En travailler une short plus pour se trouver un stationnement. C'est la même affaire aussi, si vous jamais vous prenez l'autobus, dire ben je vais débarquer une ou deux stations plus proches, la fois, ben, plus ou loin plus de la loin, destination. Si ouais. Puis le fait de marcher, ben, regarde, ça ajoute à la dépense. Fait que tout ce qu'on peut faire dans une journée sans dire là, je m'en vais faire une activité physique en tant que telle, ça fait augmenter votre estimation de dépenses de calories journalière qui s'additionne au métabolisme de repos. À suite de ça, ça, c'est mon accent de Saint-Lin qui ressort. De Saint-Lin? De Saint-Lin. Ouais, je viens de Saint-Lin. Okay. Ça explique des choses. Hein? Ah, c'est parfait, non? Ouais, ça explique mon chandail de loup. Saint-Lin-Laurentide. Saint-Lin. Ça existe, Saint-Lin. Alors, en troisième, là, la dépense énergétique par rapport aux activités physiques que vous allez faire dans une journée. Puis là, c'est là que les gens qui sont en perte de poids vont dire, bon, ben, je vais aller m'entraîner, je vais aller bouger, ça va m'aider à perdre du poids. Oui, ça vient ajouter à la facture totale de calories, mais il reste que vous avez quand même les deux premiers points avec le métabolisme de repos puis avec la dépense que vous faites dans la journée, qui est déjà un gros morceau en termes de perte de calories dans la journée. Puis ce que vous allez vous rajouter en termes d'activité physique, ça vient vous faire un bonus de plus pour vous aider à éliminer des calories. La chose, c'est qu'on peut se dire, mettons que je prends un exemple. Mettons un cours de Zumba. Exemple. Mettons le mercredi à 9h. Mettons. En moyenne, les gens peuvent brûler autour de 500 calories. Puis là, je dis c'est une moyenne parce que ça dépend d'un paquet de facteurs aussi. Ben oui. Si vous avez une montre pour calculer les calories, ça vous donne vraiment une bonne idée là, de la dépense énergétique. Mettons, en moyenne, vous dépensez 500 calories. C'est toujours la même histoire que est-ce que vous allez venir vous entraîner 7 jours par semaine ou est-ce que vous allez venir vous entraîner 2 ou 3 jours par semaine? Si vous venez vous entraîner 2 ou 3 jours par semaine, mettons qu'on se dit 3, c'est beau, une journée sur 2, on y va. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, 3, on aime ça. Ça fait une dépense de, en moyenne, 500 calories. Donc, par semaine, fois 3, 1500 calories, on vient d'aller chercher l'équivalent d'une demi-livre de graisse, sachant qu'une livre de graisse, c'est 3500 calories. C'est bien, ça nous aide encore à maximiser notre dépense de calories, mais ces 500 calories, tout ce qu'on peut faire dans le reste de la journée puis nous tenir actifs dans la journée, ça compte pour un gros morceau aussi. Mm-hmm. C'est aussi important ce que vous allez faire dans votre 24 heures de journée que votre séance d'entraînement en tant que telle au niveau de votre perte de poids. Fait que tous les petits plus que vous allez faire, autant dire habituellement, je travaille toujours assis, ben pourquoi ne pas travailler un peu debout aussi? Ouais. Là, si je prends l'exemple. Si c'est possible, là, je prends l'exemple de mon frère que j'aime beaucoup, que tu connais, Stéphanie. Oui. Mon frère, il avait fait ça le matin, puis j'avais publié la photo sur le mur des motivés sur Facebook. Il avait installé son... mon frère, il travaille beaucoup devant l'ordinateur. Mm-hmm. Hein? Il avait installé un bureau plus élevé qu'il avait mis vraiment de façon ergonomique pour être, quand même, pour être quand même confortable, pour être quand même en posture droite, puis il travaillait sur son écran d'ordinateur debout. Mm-hmm. Fait que ça lui demandait une dépense. Ça lui demandait plus d'énergie de travailler debout, mm-hmm. mais ça lui demandait une dépense d'énergie, de calories de plus à le faire. Fait que tu dis, garde, pourquoi pas, c'est fantastique. Mm-hmm. Puis à ça, ben, à la fin de la journée, il s'en va s'entraîner ou il fait une activité physique quelconque, tu dis, Caroline, il vient gagnant, surtout sachant que tu travailles 40 heures par semaine. Si ton 40 heures, tu te travailles debout, ça fait une méchante grosse différence avec 40 heures que tu travailles assis. Mais je n'irais pas ça une fois de temps en temps, parce que même des fois, nos chaises ne sont pas si confortables que ça. Oui. Moi, pour vrai, je viens que je ne sais plus comment m'asseoir. Ouais. C'est vrai. Puis je trouve ça long. Des fois, j'aurais le goût de me lever, mais il faut que tu continues à travailler. Uh-huh. Je serais prête à l'essayer. Oui, mmh. Oui, puis ça vaut, quand tu as la possibilité de le faire, c'est intéressant. Même vous autres, tu sais que vos micros, là, on peut lever ça un peu plus haut. Il y a des animateurs dans le temps qui animaient debout. J'ai trouvé tellement douchebag. Mais tellement. mais en même temps, tu dis, c'est vrai qu'à un moment donné, on commence à être plus confortable assis. Tu sais, oui. Moi, je suis dans un cours à l'école, là, parce que je vais encore à l'école. Je dis, 3 heures de temps assis. Là. Surtout pour toi. Colin, ma chaise est toute usée à la fin. C'est pas évident. Tu dis, Colin, si on avait la possibilité de le faire, mais là, on le fait pas. Surtout que moi, je suis genre à m'asseoir dans la rangée d'en avant. Respirer les paroles du prof. Fait que si jamais je me lève debout, il me fait regarder croche. Alors, ben, même en arrière, si t'es debout, ça se peut, tu peux s'en regarder croche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je maximise ma dépense d'énergie. Mais bon, ça peut être une bonne solution quand vous pouvez le faire dans votre quotidien, mmh. dans votre travail ouais. ou peu importe. Tu parlais de ton frère tantôt. Là. Oui. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui s'appelle Gilles Gilbert? Ça, non? Ça serait très drôle. Non. Ben, sûrement non. Quelque part dans l'arbre généalogique. Oui, sûrement. Il faudrait que je fouille pour vrai. Là, s'il te plaît. Tu te dis, ouais. Sa mère, elle doit être bizarre. Là. Mais bon, c'est ça, c'est une histoire familiale. Bref. Mère bizarre. On est en train de dire qu'il fallait, parsemer, si on veut parsemer. Il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, genre. Parsemer. Ça a l'air songé, là. Parce que je veux la faire comme il faut. Il faut parsemer les calories à travers la semaine, OK? Il faut y aller donc avec parsemonie. Ah! Oh, ben, ah, oui, c'est bon, c'est ça. Bon. On l'a compris du premier coup, vu que yes! tu as pris ton temps pour la oui, j'attendais depuis 5 minutes. J'attendais que je finisse ma longue phrase ben de Wikipédia. Non! Ouais. Bon, ma phrase est terminée, je reprends mon souffle. Eh non! Bon, on a fait le tour de métabolisme de repos, dépense énergétique quotidienne, puis la dépense énergétique qu'on peut faire avec l'entraînement ou n'importe quelle activité physique qu'on se rajoute dans notre quotidien. Il y a une autre affaire qui vient à ça pour brûler des calories dans une journée. Ouais, quoi. Attention, préparez-vous. Mot de 8 pieds de long. Thermogenèse des aliments. C'est quoi la thermogenèse des aliments? Quand on mange la nourriture, oui, le fait de mastiquer tout ça, là, ça fait partie de notre métabolisme là, de dépenses énergétiques quotidiennes. Donc, ne pas avaler tout rond. Oui, ouais, ben, okay. Oui, parce qu'au niveau de la digestion, déjà en partant, c'est une bonne idée. D'accord. Et puis, en plus, on ne s'étouffe pas. C'est pas fantastique. C'est parfait. Mais, c'est le fun. De rester en vie après avoir mangé. Ben oui, c'est pire de mourir. Hein? Pas trop souvent. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'estime que ça doit être. Alors, la thermogenèse des aliments, ce que c'est que quand on consomme des aliments dans une journée, ça nous prend de l'énergie, on dépense des calories à absorber puis à assimiler tous les nutriments de des aliments qu'on mange. Ah. Autrement dit, dans une journée, on estime qu'on perd de 5 à 10 % de calories de ce qu'on mange dans une journée. Là, pour que ça soit plus clair, parce que 5 à 10 % mettons que je mange 2000 calories dans une journée. Si ça me prend 10 % de calories à dépenser tout ce que je viens de manger, mais pouvoir le métaboliser, pouvoir l'utiliser comme ressource de nutriments dans mon corps, ça me prendrait, sur 2000 calories, ça me prendrait 200 calories pour pouvoir faire tout ce processus-là, pour éliminer cette nourriture-là. Donc, tu sais, déjà par jour, quelqu'un qui mange 2000 calories va à peu près brûler 200 calories à dépenser ce que on a mangé. Fait qu'à la fin de la semaine, vite de même, ça fait 1400 calories. 1400 calories, on revient encore une demi-livre par semaine. Rendez-vous compte, on perd une demi-livre par semaine à essayer d'assimiler la nourriture qu'on mange. C'est fantastique. Puis une demi-livre, là. Une demi-livre. C'est quasiment, c'est même pas qu'une demi-livre de steak, quasiment. Oui, c'est ça. Une demi-livre, c'est une demi-livre, là. Vraiment, c'est. Ben oui. Fait que ça s'ajoute. Commentaire épais, là, tu sais, c'est ça. Fallait que je le fasse. Oui, une demi-livre, c'est ça. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que tout ça s'additionne ensemble. On voit. Des fois, on peut entendre parler, là, quand ça arrive que vous entendez parler de thermogenèse des aliments, là, ça peut arriver. Oui. Là. RDS, tout le temps. Oui, ils parlent de ça. Oui. Souvent, ils vont dire qu'il y a des aliments qui vont faire brûler plus de calories que d'autres. Puis c'est vrai, dans une certaine mesure, par exemple, le fait de manger des noix, on va dépenser plus de calories à essayer de métaboliser tout ça, tout ce qui se trouve dans les noix qu'un autre aliment. C'est vrai, mais à une petite mesure, on se dit que c'est entre 5 et 10 %, ben les noix vont se situer peut-être plus proche du 10 % que du 5 %. Puis un coup d'un noix, le moment que tu cries, c'est pas plein de calories. Ah, la douleur, doit prendre de l'énergie, effectivement. Ouais, ouais. Mais sauf que c'est sur une brève période. C'est ça. Est-ce que c'est représentatif? On ne sait pas, il faudrait le mesurer. Une fois par jour, à tous les jours, pendant un an. Peut-être. On pourrait le tester. Merci. J'ai rien pour le mesurer. Ah oui, Steph va se faire un plaisir, j'en suis sûr. Alors, c'est 4 choses qui vont faire en sorte que dans une journée, on brûle autant de calories. Le fait d'exister, le fait de bouger dans notre quotidien, d'aller travailler, le fait de s'entraîner, de bouger dans des activités physiques et le fait de dépenser des calories de ce qu'on absorbe en tant que tel. C'est 4 points qui vont faire en sorte qu'on en brûle des calories. Ce qui est intéressant, c'est que si ça, ça n'existait pas, puis qu'on ferait juste manger, qu'on ferait juste absorber toujours des calories, là, exemple, 2000 calories par jour, qu'est-ce qui arriverait? On serait des blobs. On serait absolument énormes. Fait que c'est l'efficacité, dans le fond, que notre corps a d'être capable de dépenser toutes la plupart des calories qu'on absorbe. Ce qui arrive quand on prend du poids, c'est mathématique. On prend tout ça, on fait juste absorber. Ah, j'ai ça, les maths. Ah oui, mais c'est mathématique, mais je ne sens pas de formule. Okay. On n'a pas besoin de Tylenol. Dans le fond, c'est comme une balance. D'un côté de la balance, il y a tout ce qu'on a fait dans la journée pour perdre des calories, notre métabolisme de repos, tout ce qu'on a vu déjà. On va dormir, ouais. Et de l'autre côté de la balance, tout ce qu'on a absorbé. Quelqu'un qui est en maintien de poids. Tu sais, tu prends pas une livre, ça fait un an, là, tu prends pas une livre, c'est que c'est égal-égal. Il n'y a pas un côté plus que l'autre. Dans la balance, c'est égal. Quelqu'un qui va prendre du poids. Tu sais, mettons, dans une année, on a pris 5 livres. Tu sais, c'est tout petit, 5 livres, mais c'est une prise de poids quand même. Ça veut dire que notre apport de calories, ce qu'on mange, est un petit peu plus grand que ce qu'on dépense. Quelqu'un, à l'inverse, qui va perdre du poids, bien là, c'est qu'on renverse la balance, c'est qu'on absorbe moins de calories que ce qu'on dépense. Donc, au final, c'est toujours mathématique, c'est toujours comme ça. Là, il y a des exceptions. Par exemple, tout ce qui a rapport les hormonales, par exemple. Il y en a qui vont dire, moi, j'ai des problèmes avec ma glande thyroïde. Ça vient défaire le premier truc qu'on a vu, le métabolisme de repos. Fait qu'au lieu, peut-être, là, de brûler 1200 calories par jour à exister, à rien faire, coucher dans un lit, bien, ces personnes-là qui ont des problèmes au niveau hormonal ou d'autres problèmes de santé vont dépenser moins au repos parce qu'ils sont en mode économie d'effort. Okay. Ça veut dire que leur corps devient économe. Il se dit, moi, je brûle presque pas de calories au repos. Ceci étant dit, c'est une faible, tu sais, un faible pourcentage de la population. Okay. Tout le monde, on dirait que ça vient combiner. Oh, je prends pas de poids, puis ça doit être mes glandes. Ouais, ou je suis pas gros, j'ai des gros os. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, souvent, c'est des excuses. Si vous avez vraiment un réel doute, allez prendre des prises de sang, vous allez savoir tout de suite. Vous allez voir, est-ce que vous avez un problème hormonal ou non? Si vous avez un problème hormonal, ils vont vous aider, ils vont vous donner une médication. Là, si c'est un problème de glande thyroïde, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre une pilule par jour pour le reste de votre vie. Puis là, ça va tranquillement se restabiliser, puis bien, vous allez recommencer à avoir un métabolisme de repos normal. Ceci étant dit, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de clients qui viennent me voir. Hein? Depuis, ils viennent pas tous me voir en même temps, là, mais je veux dire, dans mon 10 ans de carrière. Ils se stationnent tous dans les stationnements les plus proches. Puis, ouais. Ça, moi, consultation avec des clients. Ils viennent me poser la question. Ils disent, bon, ben moi, exemple, j'ai 100 livres à perdre. Je veux que tu me fasses bouger. Moi, je suis un entraîneur. Puis ils disent, bon, ben fais-moi me dépenser des calories. Je veux perdre mon poids. Je fais, bon, parfait, excellent. Première question que je vais poser, comment va votre alimentation? Puis je vous le dis, la plupart des clients que j'ai vont me répondre, ben moi, ça va bien. Mon alimentation, ça va bien. C'est le fait que je suis sédentaire, je m'entraîne pas, je me suis jamais entraîné, je bouge pas, je suis assis au travail. Puis, mais mon alimentation, ça va bien. Je bois 3-4 coques par jour, mais c'est la petite canette, t'as juste. Oui, mais d'habitude, souvent, quand t'as 100 livres à perdre, c'est parce qu'il faut juste être sédentaire. Parce que quelqu'un de sédentaire qui va manger bien va généralement être stable dans son poids. Tu sais, t'auras pas accumulé autant de poids si ton alimentation est si adéquate que ça. L'affaire, c'est est-ce que la cliente qui est en avant de moi, je dis la cliente parce que souvent c'est des femmes, le client qui est en avant de moi, me dit ça, est-ce que je fais menteur? Non. La personne, non. Est-ce que la personne est après de me mentir? Non. Non, c'est décris-moi en détail ce que tu manges, ce que tu bois dans la journée. C'est ça. Puis est-ce que t'es prête à se mentir à elle-même? Peut-être aussi, mais des fois, on le sait juste pas. Ben non, on le sait pas. Quand on se rend là, souvent, c'est parce qu'on pas conscience de ce qu'on fait non exactement. Plus. Exactement. Puis là, tu dis, ben je mange bien. Bon, oui, je mange bien, mais tu sais, manger 20 portions de produits laitiers par jour, ça va être bon pour la santé, mais il reste que je cherche pas où tu as pris ton gras, il est là-dedans. Là. Ah, c'est ça. Manger 8 bananes, oui, c'est ça. C'est bon, pas loin de 800 calories, là. Ouais. Ouais, moi, je mange des noix, c'est bon des noix, ouais, mais d'un coup, tu as dépassé ta petite poignée là, à l'intérieur du c'était peurant. Hein? Ça va vite, là. C'était peurant, une portion de noix. Là. Oui. C'est petit. C'est petit. C'est déprimant. C'est petit. Moi, je m'aimais dans un sac Ziploc. Fait que ça, c'est ma portion de la journée. Parce que sinon, moi aussi, je fais comme je prends une poignée. Mais à la fin, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien. J'ai mangé santé, mais il y a une problématique. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, si vous avez accumulé, là, je dis 100 livres, hein, si vous avez pris 20 livres, c'est que vous avez mangé plus que qu'est-ce que vous dépensez. Fait que oui, il faut viser à dépenser plus, mais oui, il faut viser à améliorer votre alimentation. Puis ça, pour ce faire, oui, votre entraîneur peut vous donner un coup de main, parce qu'on a quand même une base, mais des fois, c'est bon de pousser un petit peu plus en profondeur, puis d'abuser des services de nutritionnistes. Ils servent à ça, sont formés pour ça, pour vous aider à trouver vos lacunes dans votre alimentation. Ils vont vous faire un bilan de ce que vous mangez sur plusieurs jours, puis ils vont voir avec vous c'est quoi vos déficits, qu'est-ce que vous mangez de trop, puis ils vont pouvoir vous guider, vous donner des trucs pour essayer d'améliorer votre alimentation pour avoir plus de nutriments, avoir plus de vitamines et de protéines, et tout ce qu'on a besoin dans une journée, mais pour faire baisser aussi la facture totale de calories aussi. Là. Fait qu'au niveau de l'alimentation, c'est vraiment un gros morceau. On entend souvent parler aussi de 70%. Tu sais, 70% d'une perte de poids va être due à l'alimentation, ce qui est vrai, étant donné que tout ce qu'on mange dans une journée, on est 24 heures là, à pouvoir manger toute une journée par rapport à l'entraînement que je vais aller m'entraîner trois fois, une heure dans la semaine. Fait que oui, on va dire un gros 30% à l'entraînement parce qu'il va y avoir trois heures dans la semaine que vous allez venir bouger, vous allez dépenser des calories pendant ce moment-là. Mais le reste de la journée, c'est votre alimentation qui va faire en sorte que vous allez faire un déficit. C'est sûr que si tu manges un sac de chips par jour, tu peux pas l'éliminer en allant au gym à moins d'être pas mal tout le temps là. C'est ça. Tu sais, déjà juste en partant là. C'est juste le fait d'aller manger une fois par semaine chez McDo avec un beau petit trio à 1300 calories. Ben 1300 calories, tu viens de brûler l'équivalent de tes trois fois par semaine. Fait que ça, c'est un pensée-divin aussi. Fait que tu dis oui, 70% de l'alimentation. Fait que le but, c'est toujours d'aller chercher l'équivalent. Quand on est en maintien de poids, ben c'est d'aller chercher égal, de manger égal à ce qu'on dépense. Puis quand on veut être en perte de poids, c'est de manger moins que qu'est-ce qu'on dépense. Fait que oui, quand on est en perte de poids, c'est de créer un déficit. Puis aussitôt qu'on a perdu notre poids, après, c'est un maintien, mais là, on retombe égal-égal. Égal. Ceci étant dit, tu sais, je sais pas, t'as-tu des idées, toi, de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bouger plus dans la vie? Puis d'avoir du, tu sais, d'avoir du fun. Est-ce qu'on est obligé? Oui, aller s'entraîner dans un gym, c'est super. Je prends ça parce que. Si on a des amis là-bas aussi. Oui. Parce que des fois, être sur un tapis et regarder un mur, c'est plate. Ben, fait que là, l'été s'en vient. Je pense que c'est le temps là, de faire des activités. Moi, j'ai tellement hâte d'aller faire des randonnées. En forêt, ouais. C'est le fun. Tu peux partir toute la journée avec ton petit lunch. Puis, c'est le fun parce que ça te fait super belle... Taquiner les écureuils. Ou mais taquiner. Ouais, avec ton lunch. Là. Ah, puis c'est le fun, ça, parce qu'en plus de passer une super de belle journée... Tu vas avoir un beau tan. Ben oui, en plus. Puis combien d'heures que tu as fait l'activité physique. Contrairement à, mettons, tu te dis, bon, ben je m'en vais faire du tapis, puis là, j'en ai pour 20 minutes, puis là, tu regardes chaque minute découler. Chaque seconde, chaque je te dirais. Chaque seconde. Ben là, tu te dis, regarde, je m'ajoute ça comme activité, puis tu te dis, je pars là, un après-midi de temps avec deux, trois amis qui ont le goût de ça. Ben oui, là, tu peux papoter. Ben oui, puis là, tu montes... Il y a le parc Saint-Maurice, là, que c'est super beau aussi. Il y a toutes sortes de sentiers. Il y a beaucoup d'escaliers dans ce sentier. Oui. Ça, c'est bon, ça. Je me souviens des escaliers. Je peux vous dire que rendu en haut, j'étais rendu à quatre pattes. Ouais. Ben, c'est sûr que je suis partie à course dedans. Ah. Ah. Ben, j'étais comme, checkez-moi bien aller. Là, t'attends, je suis tellement bonne. Ouais, c'est ça. Check si je suis bonne, check si je suis bonne. Fait que ça peut être bon, mais tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut faire aussi. On peut essayer de risquer de faire des nouvelles activités. T'sais, des fois, c'est pas obligé de sauter dans les arbres pour faire une activité, tu pourrais se dire je m'en vais faire de l'équitation. Tu sais, exemple, là. Tu fais, oh, un cheval, tu le fais. Non, mais l'énergie que ça prend d'essayer de rester stable sur un cheval, puis surtout quand tu t'apprends à le faire aller un petit peu plus rapidement, ça te fait dépenser de l'énergie. Puis Colin, c'est une activité, puis c'est un sport en soi, là. On bouge, là, on en fait là, de l'activité. Fait que... Sinon, moi, pour mon chum, on aime beaucoup faire du camping, mais là, on a décidé qu'on faisait du canot camping. Donc, pour se rendre au terrain, faut pagayer. Ben, gag, c'est puis déjà, moi, j'ai peur de l'eau. Je suis très tendue. Ah! Dépense de calories maximale. OK, oui. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, des fois, on prend conscience aussi de dire... J'asais avec mon chum dernièrement, puis il disait, moi, j'aime ça faire de l'escalade, tu sais. Hey, c'est vrai, toi, tu capotais quand on s'est rencontrés, vous le disiez, on travaillait dans un camp de vacances, puis on animait des cours, il y avait des murs d'escalade et tout ça. Puis, ah oui, moi, j'aime vraiment ça faire de l'escalade. Puis... Puis là, on se posait la question, puis on se disait, Colin, ça fait combien de temps que tu as fait de l'escalade? On s'est rendu compte que depuis quand, il a pas fait d'escalade. Mon chum adore faire de l'escalade. Ça fait 10 ans qu'il en a pas fait. c'est une belle prise de conscience. C'est du Colin, on aime ça. Puis c'est pas comme s'il n'y avait pas des murs d'escalade à Trois-Rivières, là, il y en a. Là. Fait que là, on s'est dit, ben, gars, cet été, là, on cherche un centre d'escalade, puis on y va. Il aime ça, enfin. Tu sais, des fois, on dirait qu'on fait juste se couper un peu. On dit, oui, oui, j'ai un vélo, j'en ai un, j'en fais. OK, on prend conscience. C'est quand la dernière fois j'ai sorti mon vélo? Là, tu dis, finalement. On n'en fait pas tant que ça. On n'en fait pas tant que ça. Tu dis, on possède. Certains, tu sais, des fois, il y en a qui disent, oui, oui, j'ai des rollerblades, j'en ai. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. J'ai la possibilité d'en faire si jamais je veux en faire. Moi, depuis ma débarque en rollerblade, je les ai pas ressortis. Ah, ben là, cet été, on n'aura pas le choix. Là. Je te prends par les cheveux pour te tirer sans piste. Je vais te rappeler tout le long. Faut que je change mes roues. Rappelle-moi de changer mes roues. Bon, on va faire ça, puis tu vas pouvoir venir avec moi. C'est le fun aussi. Ah, là, on allait faire les cours en groupe l'avant-midi, puis l'après-midi. Rollerblade, puis on faisait des triceps sur les bancs de parc. Fait qu'on se promet qu'on se remet ça cet été. Ben oui, c'est sûr. On change les roues, puis ça va être fait. C'est un petit investissement. C'est un petit 30 minutes dans un magasin, mais on le fait. Puis après, ça, on a du fun. On aime ça. Ben oui, mais oui, j'adore ça. Fait que c'était la morale de la fin de ma chronique, de dire, trouvez-vous des activités que vous aimez aussi. L'été est là, là, profitez-en, faites-en des activités, là, essayez-en. Là. Il y a toutes sortes de sports d'équipe qu'on peut faire aussi. Là. Dernièrement, j'entends beaucoup parler du bateau dragon. C'est-à-dire, je pourrais faire partie d'une équipe. Informez-vous, tapez bateau dragon sur Internet. Allez voir, les équipes sont en train de se former. Mais faut-il être bon, ça? Non, pas besoin d'être bon. Ils vous enseignent la technique. C'est ça qui est le fun. Ah, je serais peut-être bonne s'il ne faut pas être bon. OK, puis encore là, il essaie de mettre des calibres différents là, dans les bateaux pour pouvoir faire avancer les gars. Moi, je pense que je vais être dans celui-là qui tourne en rond. Ouais, si j'étais dans le tien, d'après moi, on tournerait pas mal en rond. Ça ramerait fort, mais tout le temps du même bord, tout le temps à droite. Fait que, c'est ça, c'est de trouver des activités pour bouger, de mieux manger, puis c'est là qu'on va venir faire une dépense, mais espérez pas toujours quelque chose de miraculeux, puis des fois, c'est juste une prise de conscience. C'est-à-dire, regarde, si j'ai un doute sur quelque chose d'hormonal, je vais prendre des prises de sang, puis ça va me faire prendre conscience que finalement, non, ce n'est pas mon problème à moi, alors quelles seront mes solutions? Venez nous voir, venez me voir, puis là, regarde, c'est ma dernière chronique, moment d'émotion. Venez me voir sur la gang de motivés, le mur Facebook, que je fais. Là. Vous pouvez me poser vos questions. Vous pouvez... Toi aussi, Mathieu, là, tu peux venir. Ben, quand même, je me sens inclus. Puis, parce que, tu sais, ta bédaine, c'est pas des gros os. Non, je sais. Tu sais, tu parlais de se trouver des amis puis de faire des activités avec. Là. On en fait des activités de motiver. Je vous en sors un paquet des activités. Là. Dire, hey, on va faire ça. Hey, mon micro saute. Il est temps que ça finisse. Oui, on s'en trouve des activités puis on s'en fait des amis qui ont justement les mêmes, un peu les mêmes objectifs que nous, qui veulent bouger, mais qui savent pas trop. Ben oui, parce que si on a juste des amis qui bougent pas, on bougera pas. C'est ça. Puis il en faut des amis qui bougent pas, c'est correct. Ah, ben un ami du samedi, là, c'est parfait. Jouer Nintendo. Oui, ben oui, ben oui, des amis de jeux vidéo, c'est correct. Je me sens encore inclus. Salut! Fait qu'il nous faut des amis comme Mathieu, là, c'est des bons vivants, là, pour s'entertainer de façon différente, mais aussi c'est le fun de bien s'entourer pour pouvoir adhérer à des activités qui bougent un peu. Ça peut nous aider dans nos objectifs. Tout à fait. Toi, des rollerblades, ça te tente pas, Mathieu? Oh, oui. J'ai pensé. Ah, oh, ce serait le fun. Ouais. Oh, oui. Ça me fait parler un peu. Mais j'ai envie. Tu te mettrais un casque, par exemple. Ouais, c'est parce que je veux pas être... Ben, moi aussi, je me mets un casque. Hein, tu sais jamais. Là. Premièrement, moi, je freine encore avec les arbres. Ah oui. les bancs et la pelouse. Moi, c'est avec les gens. Mais ben non, mais des fois, tu dis, j'ai bien beau être bon, là, mais c'est juste qu'un petit enfant freine sur la piste cyclable, tu y rentres dedans. Ben oui. Ou moi. Fait que, oui. Tu sais, si je fais une débarque direct en avant de toi... Voilà. Ou tu pognes une petite garnotte qui n'était pas à bonne place dans ta roue. Moi, je te jure, je suis sûre que j'ai pogné un courant d'air. C'est pour ça que j'ai revolé. J'ai rien vu. Il y avait rien sur la piste cyclable. J'ai volé. Je sais que si je vais avec Steph, ça va être casque, protège-coute, jackstrap, parce que je sais que Steph va m'en sacrer une des noix, c'est sûr. Ah ouais, donc, Cindy Gilbert, on retrouve tes chroniques au complet sur zonecampus.ca. Tu peux choisir Cindy Gilbert pour avoir toutes les chroniques. On est dans le Zone Campus le plus récent, le dernier numéro de la saison qui vient de sortir aussi. Tu es là-dedans avec le même sujet sur les calories. Yes. La page sur Facebook, c'est quoi, les motivés, le nom complet? Là? La gang de motivés. Si vous tapez ça, ça devrait apparaître. Mais le nom complet, c'est la gang de motivés qui font le kilo cardio avec moi. Oui. Voilà. M-O-U-A. M-O-U-A. C'est vraiment là. Moi. Je peux pas te tromper. Cindy Gilbert, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous autres. Ça fait une agréable expérience. Je vous souhaite une bonne été puis je vais vraiment essayer de revenir au mois de septembre. Merci. Là. On se dira pas adieu parce que peut-être qu'en septembre, c'est ça. On sait pas. Mais non, cet été. Oui, oui, okay, mais oui, bon, cet été. Pas à radio. Mais... Au rollerblade. Oui, non, c'est ça. Vous autres, vous viendrez patiner avec nous autres. Écoute, tu chantes un jackstrap. Bon, merci Cindy Gilbert. T'en feras un en noix de coco. Oui, en baisant. Deux grosses noix de coco. Voilà pour activer votre santé. Et c'était la dernière, comme on l'a dit, donc mercredi à 8h. Dans quelques instants, c'est que ça ne devrait pas là. On va s'acheter des choses inutiles. Peut-être des jockstraps, s'il y en a. Différentes électronique. Couleurs. Ah oui. Hein? Trouve-toi-en un là, que tu peux plugger en Bluetooth avec ton iPhone. Tu ferais quoi avec ça en Bluetooth? Je sais pas. Il y a une caméra en dedans, c'est quoi? Ou dehors, pour que je vois tout ce qui se passe au niveau de mon jock. Ouais, une petite vibration. Oui, t'en reçois tous tes textos dans ton jackstrap. Après les montres intelligentes, les jackstraps intelligents. Avec GPS. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce mercredi 23 avril 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Tantôt, reste là parce que la chronique Zone Campus s'en vient dans la prochaine vingtaine de minutes. Oui. On parle du plus récent numéro qui est en papier juste ici. Tu me crois? Pas besoin de racheter Mais avant ça, ça existe, mais ça devait répondre là. Ça sent bien. Ouais. On a aussi écouté une chanson jusqu'à maintenant dans l'émission. Ouais. Une deuxième? Ouais. C'est Miserable de Tokyo Police Club. Good. Good job, dude. Bro. I wanna travel to the future again. I wanna travel to the future. I wanna travel to the future again. I heard about it from a friend of a friend. Alors, c'est OK pour les slabs et la pièce Miserable. Misérable et sont ceux qui ne peuvent pas se permettre les produits de ça existe, mais ça ne devrait pas. On est misérable. On est misérable. Hey, miserable. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, la chronique des gadgets inutiles qu'on s'achète sur Internet avec le budget illimité de la corporation du GME, le groupe des médias étudiants de l'UQTR. Non, mais j'aimerais ça pouvoir une fois par semaine acheter un gadget puis le critiquer la semaine d'après. Ça, ça serait le fun. Mais on non. débloque un budget. Hey. Comment? Commence bien, hein? Commence très bien. Ça va être la chronique enrhumée du jour, encore une fois. Commençons avec une façon de se sécher le corps en dedans de 30 secondes. Cool. Plus besoin de serviettes. C'est un gadget qui ressemble un petit peu à une pesée, à une balance. Et en fait, c'est aussi une balance. Donc, ça tombe bien que ça ressemble à ça. Et on peut se débarrasser des serviettes avec ça. Ça s'appelle le Body Dryer. Ça permet de vous assécher en une demi-minute ou moins. Ce qui est beaucoup plus rapide qu'avec une serviette, bien sûr. Le Body Dryer qui est en développement depuis plus de 2 ans. Le créateur Tyler Overk dit, je cite, « Nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de bactéries, tellement de bactéries qu'on réutilise et qu'on remet sur nos corps après s'être nettoyé, après la douche. Donc, on a trouvé une façon, il fallait absolument éliminer les serviettes et c'est ce que ça a donné. Body Dryer. » Bon, mais quand tu remets ton linge... Ouais. Quand tu remets ton linge qui était en train de sécher sur un truc à l'air ambiant, il y a plein de microbes qui vont voler dessus aussi. Pas bien mieux. Non, c'est pas tellement mieux. T'as bien raison. Ensuite, une moto... Ben, c'est comme une motocyclette qui ressemble un petit peu à un vélo, mais il appelle ça covered motorcycle quand même. Il n'y a pas de guidon. Il n'y a pas de guidon et il n'y a pas de siège non plus, comme tu peux remarquer. Ben, c'est ça qui est bizarre. Et c'est l'utilité derrière ça, c'est que c'est pas vraiment une motocyclette, c'est une caméra. Hein? Tu sais, quand tu veux aller taper des vidéos pour une gig, là, traîne ton bicycle sur ton épaule comme caméra. Là, c'est pas pour ça du tout. C'est en fait fait pour stationner dans un endroit ou à un endroit où tu aurais possibilité de surveiller les gens et que ça paraisse pas trop, que ça passe inaperçu un petit peu. Donc, c'est comme une caméra de sécurité, donc très très grosse, qui est par Japan Security Systems Company. En forme de motocyclette. Et ça se fie là-dessus justement pour avoir l'air dans le fond pour passer inaperçu. C'est pour ça. Mais s'il voulait que ça passe inaperçu, il aurait peut-être pas dû la faire aussi belle. Oui, parce vrai. Que belle de même, moi, je serais tentée à aller fouiner, ouais. À observer, puis ça attire l'attention, me semble, sur l'objet. Mais peut-être que d'avoir enlevé le guidon et le siège font que les gens n'iront pas essayer de partir avec parce qu'ils peuvent pas partir avec parce qu'ils peuvent pas s'en sortir dessus. Non, mais le but, c'est pas de le voler. Non. C'est juste que ça attire l'attention parce que c'est beau. Tout à fait. C'est fait pour être installé à des entrées d'hôtels, d'autres établissements où ce serait normal de trouver une motocyclette. Donc, à la place d'avoir des lumières, c'est des caméras vidéo installées à l'intérieur. Et puis, il y en a aussi une sur le siège. Voilà. C'est quand même drôle comme idée. Oui, très drôle. Une autre drôle d'idée, en fait, c'est un bracelet, le Smart Band Stand. Tu sais, les montres intelligentes sont partout en ce moment. Et bien, on a déjà mentionné le fait que c'était... Une autre solution serait de peut-être juste mettre ton téléphone cellulaire directement sur ton poignet pour sauver l'entremetteur qui est la montre qui fait juste passer les informations de ton téléphone. Genre. Donc, le Smart Band Stand, c'est un projet sur Indiegogo. C'est un étui à téléphone intelligent résistant aux impacts. Il y a un petit bouton pour connecter dessus après les téléphones. Il y a un stand, un truc pour pouvoir tenir le téléphone sur une table, mettons. Il y a un truc pour l'attacher sur ton bracelet avec du velcro. Ça va être disponible pour les iPhone, Samsung, HTC, LG et autres en noir, blanc ou rouge. On peut l'installer donc sur une table pour vraiment montrer une vidéo à quelqu'un ou sur ta main. Tu peux aussi le mettre après le truc d'aération de ta voiture. Tu peux l'amener pêcher, les activités à l'extérieur et tout ça. Tu peux l'accrocher après plein d'affaires. Ça vient avec un case et un truc qui va faire que les deux peuvent se snapper ensemble, votre téléphone et votre étui préféré. Donc on ramasse de l'argent jusqu'au 4 mai. C'est flexible, donc ça veut pas dire qu'ils sont pas obligés de se rendre jusqu'à leur but, comme sur Kickstarter. On a juste à donner 30$, et peu importe le niveau qui va être atteint, ils vont recevoir l'argent quand même. On estime que ça va être livré en septembre 2014. Mais t'as vu, c'est comme un genre de bracelet, si on veut, accroché, genre, on dirait un extraterrestre. Oui, ça fait, ouais. Ça fait très science-fiction. Et tu peux déplier les pattes, comme tu vois dans les photos, en quatre parties pour faire comme une araignée, pour le mettre debout. Mais ça. Moi, je trouve ça beau quand c'est installé sur la table, mais sur le bras, je trouve pas ça très beau. Puis, c'est un peu gros, on s'entend, ouais. iPhone. Surtout que là, tu sais, on a encore l'iPhone 5S qui est quand même relativement petit, mais si le 6, comme les rumeurs le disent, il va être encore plus haut que ça. Je vois pas comment tu vas pouvoir... Mais bon. Donc, c'est ça, l'étui, tu snaps après le petit bracelet. Ensuite, les cubes Rubik. Un classique. Tout le monde qui n'aime pas jouer au cube Rubik. Ben là, moi, j'haïs ça. Je suis tellement pas bonne. Trop difficile pour nous autres. Il faut le Rubik Safe pour garder vos choses en sécurité. C'est un cube 3x3, donc 3x3 pouces. C'est ça? Non, c'est ça, c'est 5 par 5, excuse-moi. 5 par 5 de carré, c'est pas des pouces, c'est des petits carrés. Ouais, c'est carrés, ça, voilà. Standard, c'est le 3 par 3, mais là, c'est 5 par 5, donc c'est pas un cube Rubik que tu peux faire. C'est ça, et de toute façon, ça bouge pas, fait que tu peux pas vraiment le faire non plus. Donc, c'est ça, si quelqu'un prend le cube, il y a un compartiment caché à l'intérieur, donc pour ouvrir le. Il faut comme tordre. Ben, en fait, on peut tordre, mais pas de tous les côtés comme un cube Rubik normal, tu peux juste faire des tours d'un sens. Il faut que tu fasses dans la bonne position, faut que tu le mettes dans la bonne position pour pouvoir ouvrir le. Ok, c'est comme une combinaison pour un petit coffre de sûreté. C'est ça, mais à la place d'avoir l'horizontal et le vertical, c'est juste l'horizontal, tu tournes dans le sens des aiguilles de la montre. Voilà. Est-ce que c'est clair? Pas sûr. Ben oui, c'est beau, c'est génial. Ben oui, c'est super le fun. On a déjà frôlé un sujet similaire à celui-là, mais celui-là, il me semble que c'est encore plus cool. C'est des slice plates. C'est des assiettes, mais coupées en forme de tranches ou de pointes, par exemple de pizza, de tarte, de gâteau, n'importe quoi. Et c'est fait pour que tu aies seulement la portion que tu désires sur ton assiette. Tout le monde a la même portion, de la même grandeur d'assiette. Il n'y a pas d'injuste, chose injuste. D'injustice. D'injustice, ouais, c'est ça. Je vais blâmer le rhume sur ce mot-là. Et puis sinon, c'est ça, c'est fait de earthenware. C'est supposément très, très durable. La slice plate sur le site de Atypik, atypik.com. Et puis, si on clique sur acheter, je veux le prix, s'il vous plaît. 10€ environ. Mais est-ce que c'est seulement pour couper ou tu t'en sers pour manger après? Tu t'en sers pour manger après parce aussi. Parce que ça déborde, là, veux pas, là. Ouais, ben c'est ça, faut que tu prennes la pointe juste un petit peu plus petite que l'assiette, là. Ouais. J'avoue, sinon, ça va déborder ses côtés. C'est vrai. Ouais, mais c'est sûr qu'en essayant de la couper, ça va tomber par terre. Ouais. C'est peut-être pas parfait hein, comme concept. Non, honnêtement, je trouve ça un petit peu de la merde. Ben, okay. Je pourrais m'en servir pour faire des tranches, mais tant qu'à ça... faire des tranches, mais pour la couper. Ouais. Mais tant qu'à ça, t'es aussi bien d'acheter ce qu'on avait vu déjà il y a plusieurs semaines, le rouleau à pizza, mais avec les rayons... oui, laser! Ouais, ben, rayons laser, ouais. Là, je fais des gros guillemets, là. Comme les petits jouets à chat, genre le pouit-pouit. C'est ça. Ouais, lumineux, là. Lumière, elle a des trucs. Mais non, je trouve ça cool. Sinon, je dirais, tu sais, que les pointes d'assiette, donc vraiment en pointe, peut-être que ça rend mieux dans la vaisselle aussi. Il y a des avantages à avoir des petites assiettes. Mais tu peux aussi juste prendre des petites assiettes. Ouais, parce que tu peux en sacrer sur le divan. Moi, j'aimerais pas ça. Ah, j'avoue, il n'y a pas de rebord, c'est ça l'affaire. C'est que tu as un rebord juste du côté de la croûte. Ouais. Ou de la. Ouais, la croûte, dans une croûte aussi. J'allais dire de la pointe, fait que je l'avais juste pas. Ben, correct. C'était pas ça. On s'en est sorti. Je vais pas te dire. On va aller jouer au golf, hein? Oui. Pour se relaxer un petit peu cet été, jouer au golf. Me relaxer. T'imagines-tu, moi, jouer au golf? Me relaxer? Ben, hey, moi, je porterais encore mon jackstrap si j'allais au golf avec toi, parce que je craindrais un coup d'épaule. Ah, mais tu devrais, imagine, si j'ai la rage au volant, comment je pourrais avoir la rage au golf? Hey, je serais dangereuse avec les bâtons. Donc, golfer seul peut être relaxant pour certains, mais c'est aussi difficile de tout le temps transporter son sac. Et on n'a pas tous un caddie pour transporter notre sac pour nous autres, hein? Ben non. Donc, il faut acheter... Un stagiaire qu'on appelle. Donc, le X9 Follow, c'est un appareil électrique portable qui transporte ton sac pour toi et qui te suit partout où tu vas. Donc, tu le sors de ta valise de voiture, tu connectes la batterie, tu mets la télécommande en pairing Bluetooth, ou je sais pas si c'est Bluetooth, mais peu importe, t'attaches ça à ton sac et tu t'en vas. Aussi longtemps que tu auras ta télécommande sur ton corps, le sac va te suivre partout à quelques pas derrière toi. Et quand tu arrives à un trou, tu mets la télécommande sur le X9 et il va rester où il est supposé rester. Il va arrêter de te suivre pendant que tu fais ton coup. Il y a sûrement un terme plus technique que ça. C'est capable de monter et descendre les côtes sans problème. Ça va même vous laisser le contrôler de façon manuelle. Et tout ça, c'est super pratique, mais c'est super cher aussi. 3 250 $ parce que le golf, c'est un sport de riche. Comment on dit? Quand on est au travail, des fois, je sais pas si t'as remarqué, Steph, en fait, sûrement pas, parce qu'il y a personne qui ferait ça ici, on est ben trop gentil avec tout le monde, mais les gens vont peut-être voler ta tasse une fois de temps en temps. Des fois, peut-être qu'ils vont penser que c'est la leur, ils vont se mettre à aller à la chasse-galerie remplir ta tasse, c'est ta tasse. T'sais? Donc, comment te protéger? Je sais pas, avec un cube Rubik. Un cube Rubik de tasse. Des mines, des explosifs. tout faux. Jusqu'à maintenant, tout fou. Ah? Non, en fait, mais tu te maquilles pas vraiment la bouche. Je pense que tu mets pas vraiment de rouge à lèvres non. Sur la bouche, non? Ben, mais pas dans le reste de la face non plus présentement. Non, nulle part, en fait, le rouge à lèvres, non? donc, ici, c'est juste sur le col de la chemise. Ah, voilà. C'est une tasse avec une empreinte de lèvres et de rouge à lèvres et de café qui coule sur le côté, mais tout ça, c'est imprégné dans la tasse. C'est vraiment la tasse est vendue avec une marque de rouge à lèvres. Mais c'est pas ragoûtant du tout pour les autres. C'est ça. Et même pour toi, moi, je me verrais pas boire là-dedans. J'aurais l'impression de boire quelque chose de sale dans un motel miteux. Toi, t'es tellement dédaigneux et craintif. Eh oui. T'es craintif des microbes, check comment t'es malade, comment ça change rien. Je m'assure, mais c'est la première fois que je suis malade depuis l'année passée, toi. Ouais, ouais, ben oui. Ah, c'est vraiment longtemps? Ouais. Bref, c'est les. Ils appellent ça la Perpetually Dirty Cup. Voilà, ça coûte 12$ sur assemblagerequis.com, bien sûr. Mais, tu sais, on sent assez laid, là. Oui, vraiment. Je veux dire, il y a tellement des belles tasses. J'aimerais mieux en acheter une super différente de celle des autres, que les autres vont dire. Ben, c'est la sienne, je la prendrai pas. Pas, elle est dégueulasse, je la prendrai pas. Et aussi, je veux celle-là, ma tasse moi-même. Ben oui. Est-ce que tu paierais 1000$ pour voir tes rôtis en train de se faire rôtir, Steph? Oui. Ben, c'est sûr, c'est peu cher payé. Donc, la Noun, ou Noun, N-O-U-N, de la compagnie Bugatti, et non pas les mêmes Bugatti que les voitures en passant. Non, non. Non, même pas, c'est ce que ça dit. Alors, c'est un grille-pain qui est deux, dans le fond, qui consiste en deux panneaux de vitre avec une couche de semi-conducteurs, d'éléments semi-conducteurs à l'intérieur. Donc, tu peux faire rôtir ton pain, bien sûr, mais aussi des sacs résistants à la chaleur. C'est des repas que tu peux faire cuire comme ça avec des sacs résistants à la chaleur. Ah, oh, ouais. Ça se connecte à votre téléphone cellulaire et tu peux sélectionner la température et les durées de cuisson, entre autres. Donc, on dirait que ça va se rendre sur le marché. Étrangement, d'habitude, ce serait genre de produit que je dirais à la fin. C'est un concept, vous pouvez pas l'acheter, tu sais, je dis souvent ça. Ici, non, ça demande. Ils sont en train de chercher le regulatory approval, donc l'approbation pour pouvoir sortir ça sur le marché. Et si vous avez évidemment l'argent pour, parce que ça va être sûrement super cher, ça devrait sortir en 2015. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment beau. Vraiment, là. Mais il faut que tu l'entretiennes, parce que s'il y a des graines de tour, ça gâche toute la beauté du produit. Exactement. Mais vous aussi pourrez insérer peut-être votre baguette de pain, votre baguette dans la fente de la Noun. Hein? Ah, oh, c'est de mauvais goût. Oui, je sais. Ensuite, se brosser les dents. C'est un jeu d'enfant, peut-être, mais pas pour tout le monde. Il y a des enfants qui ont de la misère à se brosser les dents. Il y en a qui l'apprennent trop tard, en fait, parce que leurs parents, ils n'ont pas nécessairement éduqué là-dessus. Ils se brossent pas assez souvent les dents. Ils ont des dents qui, peut-être, chip, genre. Sur, qui chip. Qui ah. manque un petit bout de dent sur ma palette gauche, mettons, exemple, comme ça. Pour apprendre à se laver les dents, il vous faut peut-être ce jeu-là qui s'appelle Grush. C'est une brosse à dents intelligente qui change le brossage de dents en jeu. Donc, la brosse à dents se connecte à une application qui affiche des dents virtuelles. Et si tu te brosses pour la durée requise, les monstres qui sont cachés dans certaines places dans la bouche de la bestiole vont graduellement disparaître à l'écran. Donc, plus tu frottes, plus ça enlève les monstres. C'est une bonne idée, ça. Pour moi, en tout cas. Ouais, c'est cool. Ouais. Justement, une raison de se brosser les dents, la crème glacée. Hein? La crème glacée, il faut se brosser les dents après parce que c'est sucré, hein? C'est vrai, oui, ça? Oui. C'est vrai, oui, ça? Oui. Que dirais-tu de manger de la crème glacée à saveur de légumes? Hein? Ouais, c'est la compagnie, tu connais peut-être ça, une petite compagnie, une petite binerie locale, Häagen-Dazs. Donc, tu sais d'où ça vient, Häagen-Dazs? Des États-Unis, je pense. Non? Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Le nom est juste exotique, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça marche. C'est le fun. C'est un de mes faits préférés, j'aime beaucoup ça. Bref, à partir du 12 mai, Häagen-Dazs va commencer à vendre la crème glacée aux légumes au Japon. La série s'appelle Spoon. On n'en aura pas ici. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Hey! Oui, qui agace, hein? Oh, agace. Mais là, je vais essayer ça. Ça s'appelle Spoon VG, donc VG cuillère. Il y a deux saveurs jusqu'à maintenant. Tomato cherry, donc cerise tomate. Donc ça, c'est des petites tomates cerises, plus, je pense, d'après moi, que des tomates. Non, il y a une tomate puis des cerises dessus. Ok, parfait. Même. J'étais pas sûr. Ben, je pensais vraiment que c'était des petites tomates, mais t'as raison qu'il y a comme des petites branches de cerises. Queues. T'es pas habitué avec ça, toi, les petites queues, c'est pour ça. Pas habitué à ça. C'est le fun, un commentaire, vraiment. Tu sais, là, celui-là, il est comme, je vais le prendre, celui-là. Je le trouve bien, ce commentaire-là. C'est mieux que Herbert, je trouve ça bien. Donc, il y a grosse queue, ça. Okay. Ouais, prends-en, parce que c'est une par session. C'est ça! Ah, maudit, là, il reste encore une semaine à session. En plus, je vais devoir endurer des insultes sans ça. L'autre, c'est carotte et orange. Ah, mais c'est intéressant. Ben, pour vrai, on a déjà vu des jus de légumes et fruits. Mais oui. De V8, entre autres, et l'autre Oasis. Oasis, oui. Donc, c'est un bon mélange, pour vrai. En fait, je vais t'avouer, j'ai jamais goûté à leur mélange de jus, fruits et légumes. C'est bon. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Pour vrai, c'est que les fruits sont tellement sucrés qu'ils viennent piler par-dessus la saveur du légume. Donc, t'as les bienfaits du légume, mais t'as pas tellement son goût. En tout cas, bref. Moi, je trouve ça bien. Voilà pour les crèmes glacées aux légumes. Continuons avec un siège pour voiture, un siège pour bébé. Tu sais peut-être, en tout cas, si t'as des gens à bébé dans ton entourage, que quand même que c'est du trouble, hein? Hein? Ma soeur est rendue avec deux enfants et on était obligé de faire un voyage différent que ce qui était prévu parce que je pouvais physiquement pas rentrer entre les deux sièges en arrière, il n'y avait plus de place dans l'auto. Ah, bon. Tu sais, ça change ta vie quand tu as des enfants avec des sièges pour bébé. Ce serait pas mal plus facile, cette vie-là, si on avait un siège pour bébé gonflable. Hein? C'est donc un concept, là je le dis dès le départ, un concept de siège pour enfants gonflable par Volvo. Et ça va rendre les parents heureux dans un futur potentiel plus ou moins rapproché. Pour l'instant, donc, ce n'est qu'un concept, mais la vidéo montre comment ça fonctionnerait. Ça se remballe en sac à dos. Donc, tu auras un sac à dos dans ta valise ou sur le siège arrière ou en arrière du siège, peu importe. Et quand tu es prêt à sortir le siège de bébé, tu ouvres ça, ça se gonfle, c'est super sécuritaire, puis après ça, tu le remets en sac. C'est cool, hein? C'est beau. Ouais. Ils ont mis le piton pour dégonfler le siège au mauvais endroit, okay. À l'endroit où les enfants tapent avec leurs talons. Ah, ben. Juste ça de même. Pas fort, ça. Pas fort. Mais c'est Volvo, c'est un concept, ça va sûrement être amélioré avec le temps. Souhaitons-le, ils vont faire des focus group avec ça, c'est sûr. Maintenant, l'été, évidemment, quand on sort, on veut faire du jogging, du vélo, du rollerblade, mettons. Exemple. Ben oui, surtout toi. Mais hein, tu veux sortir avec ta musique, donc tu veux ton iPhone. Ben oui. Mais tu veux pas être là avec ton brassard, là, de brassard sur puis ton là, bras. Ça sue en dessous. Puis là, ça fait un court-circuit, ça fait péter ton iPhone, il faut que tu repayes un autre, ça te coûte de l'argent, là, tu vas mourir avec ça. Ouais. Tu vas mourir. Ouais. Donc, il te faut une bouteille d'eau qui intègre un socle à iPhone. Dans la bouteille, toi. Ah? Tu sais, et c'est pas supposé toucher à l'eau, donc il devrait pas y avoir de court-circuit. C'est le Anart SNB5. Super catchy. Le Beat Silicone Hydro Bottle. Ah, attends un peu, ça continuait. Add Anart SNB5, The Beat Silicone Hydro Bottle. Aïe, aïe. Tu sais? Donc, c'est une bouteille réutilisable avec une chambre intérieure pour tenir votre iPhone 4, 5 ou autre téléphone de grandeur similaire. La bouteille de 18 onces est fabriquée à partir de silicone à 100%. Et c'est 100 BPA et phtalates. Il y a aussi un couvercle qu'on peut boire, là, un spout, là, un petit bec verseur, et tu peux squeezer la bouteille pour avoir plus d'eau encore. Ça vaut la vaisselle, ça supporte la chaleur jusqu'à 300 degrés Fahrenheit, congelable jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit. Et puis la surface de silicone devrait tenir votre téléphone et le protéger. Et en plus, il y a comme un amplificateur intégré pour pas avoir à utiliser d'écouteurs, même si on voit des écouteurs dans la photo. Donc cette bouteille-là est disponible en bleu, vert, ou rouge pour 25$ chez Amazon. Je trouve l'idée vraiment intelligente, mais tu perds beaucoup de place pour ton eau. Mais c'est ça que j'allais dire. Je trouve que la bouteille est pas très grosse comparativement au iPhone ou iPod. Ouais. Puis, je sais pas, ben moi, quand je vais courir, je traîne pas ma bouteille d'eau dans mes mains. OK. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis pas capable. Non, mais tu vas avoir un poids égal à deux mains, sinon tu aurais deux bouteilles d'eau pour avoir le poids égal. Hein. Ben non, ça n'a pas rapport. C'est juste gossant. Moi, c'est ça que je trouve avec ma montre. J'ai comme un côté plus lourd que l'eau. Oh boy. Ça gosse un washman. Moi, c'est la symétrie. Ça dépend aussi, tu sais, si. Non, je le dirai pas. C'est une joke de portage. OK, je pense que c'est une joke de masturbation. Donc, ensuite, une chenille. Bien, tu vu? Hein? Je te dis, je ferai un gag. Là, tu le fais dans ta tête, tu ris, puis c'est parfait. C'est parfait. une chenille téléguidable. Hein? Ah, ça sert à quoi? Absolument rien, sauf cool. Peut-être faire peur aux chats. Oh. Non? Ben, déjà tellement craintive d'elle-même. Ou à tes amis que t'invites pour un souper, là, t'as une télécommande pour ta chenille. Bref. Elle est grosse. Elle est super grosse. C'est Remote Control Caterpillars du Japon. Évidemment, ça pourrait pas vraiment être ailleurs. Donc, c'est ça. Ben, c'est juste guidé par la télécommande. Ça peut contrôler. On peut en contrôler jusqu'à 3 à la fois par la même télécommande, je comprends bien. Elles sont parfaites pour c'est ça, rendre les chefs fous, énerver les invités à votre souper, déranger les vraies chenilles à l'extérieur, etc. etc. Malheureusement. Déranger. Qui va taquiner les chenilles? Ben là, des avec gens... Avec d'autres chenilles. Des gens drôles. Les jokers vont faire ça. Tu sais, même, ils flattent la chenille. Tellement. Ça change pas en papillon, c'est la question que tu allais me poser. Non. Non. Je me demandais, Mathieu, est-ce que ça peut devenir un papillon à un moment donné? Malheureusement, non. Non. Oh. Non. C'est combien? Ah, c'est combien? C'est une bonne question. C'est combien? Parce que là, j'en veux une. Un chenillion de dollars. Un chenillion de dollars. Oh! Mais est-ce que t'as vu la vidéo, comment ça avance? Ça saute, genre, ça tressaute. Ça rentre même pas. Ça... Ils sont drôles, là. C'est 35$ en passant. Hey, mais là, j'en veux une. Ils sont vraiment cute. Ils sont vraiment drôles. Raji Konshu RC Caterpillar Bug. Le lien sur assemblagerequis.com. Ben là! Ah! Yeah! J'en veux une. Est-ce que tu joues de la guitare? Non. Est-ce que t'aimerais jouer de la guitare? Je joue de la guitare. Mais c'est pas mélodieux. C'est Hero, pas mal ta guitare que tu joues, non? Entre autres. Entre autres. Il te faut le Pickmaster Plectrum Punch version 2.0. C'est pour ceux qui disons, perdent souvent leur petit pick de guitare. Ça arrive, c'est tellement facile à perdre, c'est tout petit. Donc, le Plectrum Punch 2.0 transforme vos vieilles cartes de crédit, cartes d'identité, cartes de loyauté de magasin, n'importe quel morceau de plastique mince en guitare, en pick de guitare, en fait, tout à fait standard. Il y a une tête, un couteau, évidemment, qui fait une coupure absolument lisse sur les côtés, sans aucun effort. Et il y a même une petite plaque pour sabler vraiment les côtés si jamais il y a un petit peu de rugosité. Plastique. Rugosité, voilà. 33$ chez Firebox. C'est cool. Je savais pas que ça se faisait avec ça. C'est comme ça ressemble vraiment beaucoup à un coupe-ongle, Tu places ta carte dedans et ça poinçonne la forme d'un pic. Je trouve ça le fun, mais j'imagine pour les gens qui sont pas difficiles sur l'épaisseur ou ou qui sont très difficiles et qui veulent trouver une carte de plastique exactement de l'épaisseur qu'ils veulent. Mais non, mais c'est parce que dans les magasins, tu as vraiment tous les types de pics de guitare, toutes les épaisseurs, toutes les molletés, les duretés. Molletés. Donc, molitude, moi. Ah, excuse, molitude. Et pour terminer en beauté, vous êtes dans la cuisine, vous avez votre iPad pour faire vos recettes, votre iPhone pour tweeter, hashtaguer, instagrammer vos photos de repas. Ouais, mais hein. Il faut vos gadgets à portée de main et quand tu manques de pile à la fin de la journée, ben c'est tristounet, hein? Mais Ouais. Donc, il vous faut ce superbe Tower Hub qui est un rack à essuie-tout avec des prises USB en bas. Hein? Non. Je te jure! C'est un hub USB, un gros cercle de stainless steel, d'acier inoxydable, avec des prises USB, et tu insères ton rouleau de papier essuie-tout dessus. Et tu peux charger 4 gadgets dans une base qui est résistante à l'eau. Malade. C'est bien, résistante à l'eau dans une cuisine, je pense. Le Tower Hub, donc, un fini acier inoxydable, donc c'est pas complètement d'acier inoxydable. Il y a une base avec un poids à l'intérieur et une anneau de suction. De friction. Tu es supposé pouvoir enlever une feuille de ton rouleau de papier essuie-tout sans faire bouger le truc. Il y a un poids, puis il y a un truc anti-glissement, là, bref. Ça vient avec un power supply, donc un truc à brancher dans le mur, parce que faut quand même de l'électricité à votre prise USB, vos prises USB. Le dessus, je sais pas si tu as vu comment en haut du porte essuie-tout. Ouais, il y a un hibou. T'as un hibou, mais tu peux le changer avec un autre truc pour les bouteilles de vin, un wine stopper qu'il appelle. Ouais. Donc, tu peux changer ça pour un truc à bouteille de vin. Un wine stopper, tu mets sur le dessus de ton truc pour faire une décoration additionnelle. C'est cool. Hein? C'est cool. Je te touche personnalisé, je trouve ça bien, moi. Sur Amazon, ça coûte 50$, donc c'est quand même, tu sais, pour quelque chose d'aussi solide et qui va servir beaucoup. Ça pourrait être utile pour certains. Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si dispendieux que ça. Non, et ça vient avec le hibou, comme tu as dit, donc tu l'as de base et tu vas pouvoir t'en servir pour tes bouteilles de vin aussi, j'imagine. Voilà. Le fun. C'est tout pour ça, existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ah, ben, des beaux gadgets aujourd'hui. Oui, productif. On va prendre une petite pause. Au retour, on parle du Zone Campus. Bonne idée. OK. Dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, il reste une petite demi-heure ensemble. On va faire la chronique sur le campus dans quelques instants. Ben. Bien sûr, on doit se renseigner sur ce qui se passe dans ce beau petit journal-là. Avec les Patriotes. Les Pats! Patriotes! Mais pour l'instant, on écoute une pièce très appropriée pour ce matin pour nous, parce que, Colin, le rhume et autres font qu'on est fatigué. Donc voici La Fatigue dans le cri un monde. Sur c'est vous! fatigue, il doit créer un monstre. Super bonne pièce sur le palmarès francophone. Mais hein? Est-ce que c'est la pièce en fait qui est sur le palmarès en ce moment? Je sais pas, mais bon. Oui, la fatigue. Ce qui nous amène à parler du journal Zone Campus, parce que tu sais, c'est là-dedans qu'on entend parler de choses bonnes, comme des fois on écrit un monstre. Je sais que ça a déjà été mentionné dans le journal. T'sais. Hey, sais-tu quoi? Référence quoi? C'est le dernier Zone Campus de la session. Ah, ben là, j'aimerais ça jouer une version triste de la chanson thème, mais je l'ai pas. Fait qu'on va juste broyer dessus. Voici la chronique Zone Campus. Zone Campus! Gratuitement à l'UQTR, oh non, pour non. Plusieurs commerces à Trois-Rivières. Mais pour les gens. Zone Campus, un journal qui frappe. Qui frappait! Ah, oh, mais non, je vais frapper dans la face! C'est la chronique Zone Campus, oui. J'ai quasiment une larme pour vrai. Ouais, mais c'est triste, hein. Ça va être long, 4 mois, genre, quasiment sans Zone Campus, mais c'est comme ça, on fonctionne avec les années scolaires. C'est de septembre à avril seulement. Là, si on passe scolaire universitaire, bien entendu. Bien sûr, ouais. Parce que secondaire, c'est loin, là. Puis là, je vais passer devant les écoles secondaires, je pense qu'au mois de mai. Je vais faire comme. Loser! Donc, le Zone Campus. Oui, j'ai plus de devoir! Volume 9, numéro 16, 22 avril au 5 mai 2014. Et sur la couverture, on retrouve le gala mérite sportif de l'UQTR. On y reviendra en sport tantôt parce que c'est en page 19, donc on va commencer en actualité avec la semaine multiculturelle. Ben oui, la célébration du multiculturalisme. Donc, c'était dans le cadre de la semaine multiculturelle à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'est tenue. C'était du 5 au 12 avril dernier. Donc, il y a plusieurs activités qui ont été mises sur pied sur le campus par le comité du gala des 5 continents, ainsi que plusieurs collaborateurs. Donc, on a retrouvé, entre autres, l'activité La fièvre du reggaeton, oui. Ainsi que le gala des 5 continents. Donc, si vous voulez un peu voir toutes les célébrations du multiculturalisme, et je pense que si vous êtes intéressé aussi à vous impliquer là-dedans, pour célébrer le multiculturalisme, tout le monde est invité là, à mettre la main à la pâte. Oui, mais hein, et, c'est fou et fier d'encourager le reggaeton qu'il y a eu la semaine passée. On était partenaire avec eux. Ensuite, 45 ans de génie pour l'école d'ingénierie de l'UQTR. 45 ans, hein, déjà, oui. Ça nous rajeunit pas. Mais non, la moustache, c'est ça. Hein. Donc, ben oui, pour fêter les 45 ans de génie de l'université, l'UQTR convie tous les étudiants et les diplômés de l'école d'ingénierie le 3 mai prochain. Donc, c'est pas passé encore. Donc, c'est un événement qui se veut rassembleur, mais surtout prometteur de retrouvailles. Donc, un gros événement donc, pour les étudiants et les diplômés en génie. Donc, le 3 mai prochain. Donc, Cool. Hein? Oui. Si t'étais en génie, tu serais là, hein? Ben, c'est sûr. Mais et puis, si j'étais du genre à faire des plugs pour chaque affaire que tu dis, je te dirais, tu sais, ceux qui veulent en entendre plus sur un gars qui étudie en ingénierie, écoutez Génie en liberté les mercredis à 14h. Ah, hein? C'est fou. Hein? C'est une bonne idée. Toujours à l'actualité, la journée, c'est une seule journée, la journée univers. C'est un jeu de mots avec vert comme la couleur. Oui, parce que là, c'est uni-université, hein, comme uni, très union, vert, V-A-R-T. Ouais. Des entreprises durables à l'UQTR. Donc, le 15 avril dernier avait lieu la journée univers qui a rassemblé dans le hall Gilles Boulet des entreprises régionales ayant pris un virage durable et qui prônent des valeurs environnementales. Donc, très important de parler de ces entreprises-là. Donc, pendant l'événement organisé par le Baril Vert, les visiteurs pouvaient se promener d'un kiosque à l'autre et apprendre à connaître les entreprises présentes sur les lieux. Donc, les divers représentants parlaient de leurs projets à venir, mais aussi de leurs réalisations passées. Donc, toujours concernant le développement durable. Super. Et moi, j'aime aussi leur nom. Hein. Alors, on dirait des chansons. J'aime ça les noms qui sont comme chantés. Carlilou, Carlilé. Puis t'as Diarbapapap, Diarbapap. C'est son, les deux noms des deux personnes. Je vois ça des deux petites chansons. J'aime ça les noms de même. Moi. Bon. Ensuite, lancement collectif 2014, un événement célébrant la richesse de l'UQTR. De l'UQTR. Oui. OK, un petit l'UQTR. Le 16 avril dernier, s'est tenu le lancement collectif 2014 à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, cet événement visait à présenter les publications de plus de 25 auteurs de la communauté universitaire, le tout dans une ambiance festive. Donc, plusieurs sujets ont été abordés par les professeurs, chargés de cours et étudiants des cycles supérieurs, témoignant de leur créativité. Donc, on a pu aussi apprendre à découvrir ces 25 auteurs-là. Donc, c'est important de souligner le travail des auteurs de l'université. Donc, dans ce lancement-là, sur les presses de l'université. Mais ça, ils sont à la hauteur. Autant. Ça aurait été un bon titre, hein? Les auteurs à la hauteur. Les étudiants récompensés aux bourses d'application de l'AGE et de CIFU. Ben oui, c'est important d'en parler. Ça s'est passé le 9 avril dernier. C'était la remise des bourses d'implication de la GUQTR, mais aussi de la radio étudiante C'est fou. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si ça dit quelque chose, Mathieu. 90-12-92-9-89-1. Ouais. C'est sous le thème Beach Party Chic que la soirée s'est déroulée. Donc, mettre une petite touche différente, donc un peu moins formelle. Donc, Mathieu Roy, président, et Marie-Laurence Audet, vice-présidente aux affaires socioculturelles, ont remis les bourses pour la GE, tandis que Jean-Philippe Charbonneau, directeur général du groupe des médias étudiants, a remis les bourses pour C'est fou. Oui, le co-animateur du lundi-mardi était physiquement présent sur scène. Donc, si jamais vous ne connaissez pas les lauréats de ces bourses, vous pouvez les découvrir dans cet article. Mais et ensuite, écoutez les assez fous parce qu'ils sont bons. On passe à la chronique « La belle-mère » par Sébastien F. Gertin. C'est fin de session postérité. Et non postérieure, ben non. À ne pas se tromper. Ma chronique précédente avait déjà un arrière-goût de fin. C'est peut-être pour cette raison que j'ai eu tant de misère à écrire celle-ci qui sera bel et bien la dernière de la session. De la session, donc il y a possibilité un retour. Ah ben oui! Ah. Je ne crois pas qu'on va perdre Sébastien. Génial, tant mieux. Hein. Une bonne personne, ça. C'est une bonne personne. Je le connais à peine. Hey, c'est tellement que tu sais pas quoi dire sur quelqu'un. Vraiment? Ah ouais, c'est une bonne personne. Ben, il y a un F dans son nom. Je l'ai côtoyé. Ben c'est ça, ça fait sérieux quand t'as une majuscule, une lettre. Oh mon Dieu, un middle... Initial. Est-ce que je devrais m'appeler Mathieu Téplante? Non, hein, c'est là. Mais non, on dirait une insulte. Mathieu T'es plantes! Ouais, hey, as-tu entendu, je vais parler comme faut. As-tu écouté le Mathieu Plante Show les dernières semaines un petit peu, là? Pas vraiment. Ouais, c'est des spéciaux ben musicaux. Moi, bon. Ouais. J'ai comme commencé à mettre une nouvelle phrase dedans juste pour l'essayer, tu sais. Vu que c'est préenregistré, je me dis, personne va me juger, c'est préenregistré, personne va savoir ça, tu sais. Fait que je dis, tu sais, c'est tout pour le Mathieu Plante Show, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante et vous avez été planté, hein? Vous avez été planté. Tac! Planté. Tu dis ça pour vrai? Ça, à la fin de l'émission, clac. C'est une joke, ça. Tu devrais pas le dire. Une joke. Clac. Non? Je sais pas. OK. Toujours l'actualité aux Zones Campus, le portrait-reportage qu'a fait Myriam Lorty. Et cette fois-ci, elle a eu l'honneur, le privilège, la chance inouïe de recevoir Nadia Ghazali, la rectrice de l'UQTR. En fait, c'est plus Nadia Ghazali qui l'a reçue parce qu'elle est allée dans son bureau. Mais en tant que telle, lors d'une entrevue, la personne qui pose des questions est celle qui reçoit, non? Je sais pas. J'avoue, c'est une bonne question. C'est bizarre. Ben non, c'est une question inintéressante. C'est pas tant une bonne question. Donc, notre amie Myriam Lorty a fini la session en grand avec, bien entendu, un portrait sur Nadia Ghazali. Donc, elle dit « Je suis passée deux fois devant la massive porte de bois sculptée du rectorat sans la remarquer, comme si c'était un passage secret réservé aux initiés menant au bureau de Dumbledore. » Ah, c'est cute. Oh! Myriam. C'est drôle, hein? Tu sais, la porte de bois sculptée, la porte, Dumbledore. Ouais. Dumbledore sculpté. Si j'avais fait cette blague-là, tu m'aurais dit qu'elle était vraiment mauvaise, mais toi, t'as fait, faut que je dise que c'est la meilleure blague que j'ai entendue de la journée. C'est ça, hein? C'est ça? Ben, je t'ai rien demandé, moi. Ça, c'est vrai, mais bon, par Dumbledore. Je vais la retenir, même que si tu parles pendant le prochain article, m'en noter. On passe en société avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Oui, donc, l'abus de contrôle et d'autorité dans les troubles de la personnalité. Nous parlons fréquemment de la personne ayant un trouble de la personnalité narcissique pouvant être nuisible aux relations harmonieuses. Il est connu que ces gens utilisent la manipulation et l'arrogance. Elles font paraître une image sûre d'elles, alors qu'à l'intérieur, elles ont une faible confiance et une estime personnelle pauvre. Ce qui peut les pousser à rabaisser les autres publiquement ou non, pour tenter de se remonter face à ce malaise. Wow! C'est un sujet compliqué et c'est un peu malaisant même. Hein? La psychologie, c'est compliqué. Tout là. Tout à fait. Tout est bizarre, c'est la chronique de Nicolas Gauthier. Cette semaine, c'est la démocratie. Ben oui, les élections sont terminées, la démocratie a parlé. Les résultats sont clairs et indiscutables. Avec 42 % des votes et 70 députés sur les 125 postes à combler, le Parti libéral du Québec règnera pour les 4 prochaines années. Or, cas particulier, les insatisfaits sont étonnamment virulents cette fois et le cynisme de la gauche progressiste ne trouve d'égal que dans la crise existentielle des nationalistes. Maintenant, on verse une autre larme, comme on a versé au début de la chronique en disant que c'est le dernier Zone Campus de la session. Ben, c'est la dernière chronique à vie de Lily Brunet-Saint-Pierre. L'appelons dans la tête, c'est le dossier final, / conclusion. Je sais pas, elle va peut-être décider de se reprendre un cours dans 5 ans. Peut-être. On ne peut que l'espérer. Donc oui, l'appelons dans la tête, c'est le dossier final, / conclusion. Ça, c'est slash, hein? C'est pas backslash. Non, c'est slash. J'ai différencié pas. Backslash, c'est dur à dire. C'est comme, c'est trop imagé pour le raconter, mais ça part d'en haut à gauche, ça va à droite, ça, c'est backslash. Okay. De en bas à gauche, en haut à droite, ça, c'est un slash. OK. Ouais. Donc, appelons, nom masculin, direction perpendiculaire au plan de l'horizon. Équilibre entre diverses tendances, différentes forces opposées, la société n'avait pas retrouvé son aplomb. Ça a peut-être l'air vague comme oui, ça parce que c'est une définition, c'est pas mal plus une introduction. Mais peut-être y aller avec l'exergue en disant que le Québec reste donc dans le classeur du grand boss, le nez écrasé contre les parois du casier, le document le plus épais embarré entre les fichiers des autres provinces, entre Entre deux dossiers gris bitumineux rédigés en anglais. Piano, pian, panier, pian, mur. Et finalement, Jean-François Veilleux, comme toujours, signe sa chronique Je me souviens au pouvoir citoyen et il nous parle de Félix Leclerc. L'immortel troubadour. Oui. Donc, le 7 janvier dernier, le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement marois a nommé l'artiste Félix Leclerc personnage historique, au même titre que Samuel de Champlain, Louis Cyr et René Lévesque. Donc, ces festivités atteindront leur apogée le 2 août prochain avec le 100e anniversaire de sa naissance. Donc, si vous voulez apprendre à connaître Félix Leclerc, c'est le meilleur moment, c'est un bon condensé. Oui. Donc, beaucoup plus pertinent que Wikipédia. Tout à fait. Et pour terminer, les textes d'opinion, pas d'opinion, mais de société, c'est « Changer la vie », la 8e de 8 chroniques « Changer ou mourir » par Normand Leclerc. Donc, « Changer ou mourir », une telle alternative apparaîtra probablement exagérée pour plusieurs personnes. Pourtant, qui niera que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde où nous vivons, au point que, pour quelqu'un en bonne santé mentale, dans l'état actuel des choses, il y a de bonnes raisons d'envisager le suicide. Oh! Oh! Sujet, encore une fois, controversé. Ça finit par un paragraphe mot de la fin. Ça finit avec une vraie petite morale. Donc, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est sa dernière chronique de cette thématique-là, changer la vie? Probablement. De la thématique, oui. Okay. C'est un tout. De 1 à 8, c'est un tout. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de les lire en ordre. Oui. Ils sont disponibles sur zonecampus.ca et sur papier si vous cherchez. Allez, on termine la section société avec les loisirs. On a le petit Zwicky illustré qui nous fait une illustration sur l'hiver et le printemps, entre autres, mais détourné un petit peu. les jeux, Sudoku, mon mystère est beau croisé. On va passer en art et spectacle dans quelques instants. Si ça ne te dérange pas de prendre une petite pause, entre les deux. Allons-y avec nos amis de Sleeper Agents. C'est une nouvelle entrée de la semaine passée. Mm. Voici Be Brave. C'est bon. Mais vous êtes à Assemblage Requis, c'est la collègue Zone Campus. Agent. La pièce Be Brave à Assemblage Requis. On est dans la chronique Zone Campus avec Steph Paradis, la rédactrice en chef. On était rendu en arrêt spectacle. Tu es donc bien rendu familier? Moi, un peu. Hein? On va t'en faire Steph Paradis. Mademoiselle Sparadis. Exactement, j'ai ça, Razi. Mais ça. On commence avec la finale de la lutte. On a parlé un petit peu avec Alexandra Carignan hier, mais bon, ça a eu lieu. Hein? Ben oui, ça a eu lieu le 14 avril. Qui a gagné? Les roues. Ben bravo. On va se le dire. Félicitations. Ensuite, un spectacle au Café Bar, le Zénob. C'est un spectacle de Our Friends and the Spiders. Oui, petit projet devient grand. Le samedi 19 avril dernier, le Café Bar, le Zénob a accueilli en prestation la bande montréalaise Our Friends and the Spiders. Donc, une soirée rock alternative durant laquelle les frontières de ce genre semblaient s'être déplacées l'instant d'un spectacle. Ouh. Donc, projet de gars, hein, que dans le fond, ils ont d'autres jobs. Puis que finalement, c'était supposé être juste jammer ensemble. Puis finalement, ça pogne, puis c'est bon. Puis ils font des albums. Puis Colin... Il va falloir aller écouter ça, Colin. Ça va bon, hein? Voir ça. T'en parles en bien. Les soirées cachées, c'est fou. Une finale festive. Pif paf, hangover, toi. Ah oui. Pif paf. J'avais même pas catché pourquoi tu disais pif paf. Mais oui, pif paf. C'était eux. Ils sont venus. T'sais. C'est tout. C'est le fun. Théâtre pour les fonds de l'UTA. Ça, c'est l'Université du Troisième Âge. Exactement. Les Panthères Grises s'organisent. Quel titre sympathique. C'est bien. Donc, le 14 avril, à la salle Rodolphe Mathieu du pavillon Michel Sarrazin, à l'UQTR, bien entendu, avait lu la pièce « Les Panthères Grises s'organisent », une comédie signée Monique Gill, fidèle apprenante à l'Université du Troisième Âge depuis 2009. Donc, dans le fond, ils ont fait ça seulement pour ramasser des fonds pour le fonds d'UTA, qui fait partie des fonds de l'UQTR. Donc, pour financer leur projet, ils ont amassé 800 $. Bravo. Ce qui est quand même bien parce que l'entrée, je crois que c'était... Est-ce que c'est tes contributions volontaires? Je suis pas certaine à 100%, mais dans le fond, elles ont fait ça bénévolement pour pouvoir aider le fonds de l'UTA. Ouais. Lapin, la pièce de théâtre au Théâtre des Nouveaux Compagnons. Mais oui, un joyeux chaos. Ça s'est passé du 10 au 19 avril. Le Théâtre des Nouveaux Compagnons présentait la comédie Lapin à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Cette pièce est écrite par l'auteure française Colline Serrault et mise en scène par Martin Bergeron. Donc, on a des amis là-dedans. Ben oui. On a Alexandrine qui devait être là ce matin, mais qu'on va retrouver la semaine prochaine, exact. Je crois, qui est aussi aux Précieuses. Et finalement, Alexandre Laramie-Zwicky qui fait la caricature, Zone Campus. J'ai cherché le mot caricature. Et qui participe aussi, je crois, aux Précieuses Ridicules une fois de temps en temps. On passe en art visuel, conférence artistique, art et patrimoine, un beau mélange. Le 13 avril dernier, le centre d'exposition Raymond Lagnier et le manoir Bouchy de Niverville convient la population à une double rencontre qui faisait état de la relation entre l'art et le patrimoine. Donc, c'est le fun de voir des collaborations comme ça entre les divers maisons culturelles, ben si oui. On veut. Là, je fais des gros guillemets. Hey, toujours en art visuel, l'exposition, sur l'imaginaire, en peinture et en reliure. Ça doit pas être le nom, c'est... Non, c'est pas le nom du tout. En fait, c'est pas le nom du tout de la chose. C'est pot de fleurs, tourbillons et autres extravagances. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Donc, vous avez encore jusqu'au 11 mai pour aller voir cette exposition-là au musée Pierre Boucher. Ben oui. Pierre Boucher, qui présente deux nouvelles expositions. Donc, pot de fleurs, tourbillon et autres extravagances de Robert Cadeau ou Cadotte, je sais pas, probablement Cadotte. Hein? Oui. Et blessures et reliures d'armes de Jean Deslières. Donc, double exposition pour doublement de plaisir. Doublement joli. En fin avril, à la Chasse-Galerie, les étudiants vibrent à l'arrivée du printemps. Vibrent. Donc, les étudiants du département de lettres et communications sociales ont tenu à souligner l'arrivée du printemps, même si celui-ci était tardif, n'est-ce pas, Mathieu? Pardon. Donc, le spectacle En fin avril, organisé par Patricia Powers au Café Bistrot La Chasse-Galerie, a fait cohabiter la littérature, la musique et la poésie afin de rendre hommage à ce nouveau renouveau qu'inspire la saison. Donc, on avait à la fois des poètes, des musiciens avec Trop loin d'Irlande. Donc, que des bonnes choses pour célébrer l'arrivée du printemps. Ben oui. On passe en sport pour terminer. Le gala mérite sportif de l'UQTR, c'est ce qui fait la couverture du journal. Lapierre Lemire et Marco Rouillé, athlètes de l'année des Patriotes. Effectivement, beaucoup de prix ont été remis aux Patriotes, aux athlètes de l'université. Donc, le jeudi 10 avril dernier, s'est tenu le 42e gala mérite sportif de l'UQTR au Centre de l'activité physique et sportive Léopold Gagnon. Donc, l'événement se veut une façon de récompenser les meilleurs étudiants athlètes de la famille des Patriotes, autant pour leur performance sportive que pour leurs résultats académiques pour l'année 2013-2014, car on sait qu'ils s'entraînent vraiment, vraiment beaucoup, donc d'avoir des bonnes notes à la fois. C'est pas chose facile, mais pourtant, il y en a beaucoup qui réussissent très, très bien. Et c'est important de souligner leur bon travail. Donc, si vous voulez connaître un peu plus les gros prix qui ont été remis, on vous en parle dans le Zone Campus. Et en tout, c'est 164 000 $, un montant record qui a été remis en bourse. Que oui! Activité de santé, on l'a fait avec Cindy tantôt, mais vous pouvez la lire dans le journal en ce moment même. Finissant chez les Patriotes, des vétérans quittent. Oui, et comme j'aime bien le dire, qui quitte? Qui quitte? Parce qu'il y avait des vétérans qui quittent. Donc, la grande majorité des compétitions sportives auxquelles participent les Patriotes sont choses du passé déjà. Donc, la fin de saison permet à certains de se concentrer sur l'entraînement estival en vue de la saison prochaine. Pour d'autres, le printemps signifie plutôt le passage à une nouvelle étape alors que leur séjour avec les Patriotes est terminé. Donc, un petit récapitulatif des vétérans, malheureusement, qui doivent quitter les Patriotes. Donc, autant en hockey, en golf, en natation, en badminton qu'en soccer. Ouais, et il nous reste deux petits articles sur la course, en fait, en général. Donc, une course de 5 km sur le campus, le troisième défi des cohorts de la SAP. Exactement. Donc, c'est pour une troisième année consécutive que les étudiants d'enseignement de l'éducation physique organisent une course de 5 km. Donc, les participants ont pris le départ au centre de l'activité physique et sportive Léopold Gagnon dès 16h le 8 avril dernier. Les quatre cohortes y ont participé en grand nombre alors qu'il s'agissait d'une première année de participation pour les étudiants en kinésiologie. Toujours en course à pied, on a aussi le minima dont on a parlé dans la dernière édition. Donc, on fait un petit bilan. Donc, le mini-marathon Minima, organisé par l'Association des étudiants camerounais de Trois-Rivières, s'est tenu le samedi 12 avril dernier. Mais ça s'est tellement bien passé qu'on peut déjà confirmer une deuxième édition pour l'année prochaine. Génial. Scoop! Scoop! Scoop! Scoop! Scoop! Scoop-bidou! Scoop-bidou-bidou! Voilà pour le numéro 16 du volume 9, 22 avril au 5 mai 2014. Retrouvez les articles dans le journal, sur le campus du QTR, partout dans certains commerces à Trois-Rivières, sur zonecampus.ca. Et l'année prochaine, en septembre, évidemment, on va être de retour pour une dixième année au Zone Campus. Wow! Vous allez voir, il y a plein de surprises qui vont tourner autour de ça, je pense. Mais j'espère qu'on va faire des sangrins. Pas mal, hein? Puis on va avoir des ballons. Ah oh, non, j'aime pas ça, des ballons. Non, c'est ça, j'aime pas ça, des ballons. C'est plat, des ballons. Parle pas de ballons. Sauf s'il y a de l'hélium dedans. C'est parce que ça fait une drôle de drôle. Je suis prête à toucher le ballon pour ça. Donc, retrouvez-le en cherchant la couverture du Gala Mérite Parti de l'UQTR. Zone Campus, c'est zonecampus.ca. Facebook et nous ça, d'en face. Twitter et nous ça. C'est facile à trouver, c'est quand même beige. Beige. Tu trouves pas qu'il y a à peu près 50 nuances de beige là-dessus? À peu près, c'est, oui, 50 nuances de beige. 50 nuances de beige. Ouais, comme la chanson de Radio Radio avec laquelle on va se quitter dans quelques instants. Est-ce qu'il y a vraiment de chanson là-dessus? Apparemment qu'elle s'appelle 50 Shades of Beige. T'es une visionnaire inversée comme moi. Total hasard. Vraiment. C'est tout pour l'assemblage requis pour aujourd'hui. On est arrivé juste en plein temps. On est parfait. On remercie Cindy Gilbert. Oui, bien entendu, qui nous a expliqué qu'il y avait un lien entre les calories et les calorifères. Mais ça c'est grâce à toi, je pense, par la bande. Demain, l'émission, David Ferron va organiser un combat des clips audio pour trouver votre musique du monde préférée. François Landry va venir nous parler de politique dans sa chronique Logocratie 101. On va terminer la semaine en dévorant de la nourriture. On a bouffé la malbouffe de la semaine pour terminer. Hey, merci de me le rappeler. Merci de... J'ai acheté de la bouffe. Merci de nous faire confiance, en fait. Hein? Assemblage requis, merci d'être là. Toi et le public. Hey, moi, j'aime ça. Ah, c'est le fun. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Restez à l'écoute parce qu'évidemment, 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Le reste de la programmation sur cifou.ca. Passe une très belle journée. Radio s'en vient. Bye. Bye bye. Avec plein de mains. Shades of Bay. So say